coule le long de la cuisse. Ah! Ah! Qu'est-ce que c'est ça, tabarnak? Paladin niveau 66. Archimage 57. Ok. Vous avez continué à jouer toutes les semaines depuis 15 ans. I got them skinny girls playing at my place. I'll give you stories, they won't be up straight. Cause when you're not there, you know I can't wait. This ain't the first time. You out again. You spend your time in a little cubicle. In a cubicle. À tous les postes, soyez prêts pour hyperatomique exponentielle. Scotty, il me faut la puissance maximum. Bonjour tout le monde, bienvenue à Puissance Maximale sur les ondes de CKIA. Comme vous l'avez entendu au début, Puissance Maximale qui parle de tout et de grande nature aussi, de bicolline. Oui, ça fait longtemps qu'on n'en a pas parlé. Mais oui. La saison commence. La saison des GN commence. On va commencer il y a à peu près un mois environ, mais va battre de plein fouet au courant du mois de juin et plus. Donc aujourd'hui, une émission chargée, une émission spéciale, une émission de 2 heures aujourd'hui. Mais qu'on en profite... Vu que CKIA pendant l'été va être en pause, Puissance Maximale ne sera pas sur les ondes. Par contre, le site web va continuer pendant l'été, les nouvelles. Donc, suivez-nous sur le site web. Peut-être quelques chroniques ou même quelques capsules directement en ligne. Ça va être la première fois que Puissance Maximale va faire une pause, en fait. Depuis septembre 2007, c'est que Puissance Maximale n'a jamais arrêté. Alors, ça va être la première pause. On travaille dur. Donc, aujourd'hui, une émission remplie et le studio rempli aussi. Malheureusement, Vincent n'est pas avec nous en studio. Il avait d'autres choses à faire, mais il va trouver le temps pour nous parler au téléphone tantôt. On va la rejoindre tantôt. Donc, on va commencer avec un tour de table. Michael, qui est là aujourd'hui avec nous autres. Salut tout le monde. Et tu vas nous parler de quoi aujourd'hui? Bien, aujourd'hui, pas de chronique spéciale sur un sujet, mais une petite discussion entre nous sur, finalement, l'utilisation de l'histoire, des événements historiques dans les jeux vidéo et les films, finalement, au cinéma. Est-ce que c'est seulement un prétexte pour produire des produits comme ça, ou s'il faut vraiment s'y fier, rester, finalement, dans la perspective historique et la respecter? Et Andrew, toi, aujourd'hui? Moi, en fait, je vais parler de Hélène Noire, un jeu sur PlayStation que j'ai eu l'occasion d'essayer. En même temps, un peu d'actualité en vrac sur l'univers du dessin animé japonais, les technologiques et jeux vidéo en général. Et bien sûr, François, qui va avoir des nouvelles aussi de PlayStation, de Netflix, tout plein de choses à nous parler tantôt. C'est ça, des nouvelles du Japon. Nouvelles du Japon. Et moi, je vais vous parler d'un jeu de plateau qui est sorti déjà depuis quelques années, Arkham Horror. Donc, ça fait environ un mois et demi que je joue, 5-6 parties de jouer. Je vais vous donner mes impressions sur ce jeu. Un gros jeu de plateau. Un gros jeu de plateau, oui. C'est vrai, moi aussi, je vais parler de deux jeux de plateau que j'ai achetés récemment. Space Hulk, Death Angel et Onirim. Onirim, ça me dit quelque chose, ça. Oui, puis c'est pas encore distribué. Là, c'est Philosophia qui distribue ça, mais c'est pas encore disponible de la version française en magasin. Mais moi, je l'ai en primeur. Et bien sûr, Puissance Maximale, c'est de la musique aussi. La musique sélectionnée par tous les membres qui sont ici aujourd'hui. Plusieurs choix. Une mission de 2 heures veut dire de la musique. Et on a chacun mis la main à la porte un peu. On a choisi des chansons. Puis aujourd'hui, ça va être spécial encore une fois. Pour la musique, on va décider tous ensemble qu'est-ce qu'on met. Ouh. Qu'est-ce que vous voulez qu'on mette, la première pièce? Alors, est-ce qu'on y va avec Michael qui va choisir la première pièce aujourd'hui? Ben, d'accord. Alors, on pourrait choisir une des pièces que je vous ai amenées, qui est du groupe Justine et Séverin, que je vous avais amené durant la saison un peu plus tôt avec la chanson à boire. Cette fois-ci, ça va être la chanson qui se nomme Germaine. Germaine, à Puissance Maximale. Germaine, belle Germaine, tout en filant le lin. Germaine, belle Germaine, tout en filant le lin. Dans son chemin rencontre 3 gentils cavaliers qui demandent à Germaine, fillette à marier. Je ne suis pas fillette, fillette à marier. Je ne suis pas fillette, fillette à marier. madame, peut-on loger ici? Ah bonjour donc madame, peut-on loger ici? C'est en l'honneur du prince d'Amboise et d'Amboisie, le plus charmant jeune homme qui soit dans le pays. Ah bonjour donc Germaine, chez nous trois cavaliers. Ah bonjour donc Germaine, chez nous trois cavaliers. Mais ils ne veulent pas boire, ni boire, ni manger. Ils désirent trop Germaine, la voir à leur côté. Ô mère méchante mère, allez-vous-en d'ici. Ô mère méchante mère, allez-vous-en d'ici. Si vous n'étiez que la mère de mon mari, je vous ferai jeter en bas du pont-levis. Chers camarades, nos chevaux sont scellés. Partons, chers camarades, nos chevaux sont scellés. À la table de Germaine, je vais aller manger. Dans le lit de Germaine, je veux aller coucher. Germaine, ouvre-moi ton mari. Ah non, je ne crois pas que tu sois mon mari. Avant que tu me dises quel jour que tu m'as pris. T'en souviens-tu, Germaine, du 17 au matin? Tu avais à tes noces des oncles et des cousins. Ah non, je ne crois pas que tu sois mon mari. Avant que tu me dises cheval j'avais dit. T'en souviens-tu Germaine, ton cheval de Paris? T'en souviens-tu Germaine, ta robe de satin gris? Ah non, je ne crois pas que tu sois mon mari. Donne-moi des remarques sur la première nuit. Germaine, tes anneaux d'or unis. T'en souviens-tu, Germaine, tes anneaux d'or unis? Je te serre si fort dedans mes bras, que ton anneau cassa, Germaine, le voilà. Servant, belle servant, accourir toutes ici. Servant, belle servant, accourez toutes ici. Allumez les flambeaux aux quatre coins du lit. Je vais ouvrir la porte tout grande à mon mari. Et de retour en onde. Avec un léger délai de 30 secondes. Merci, Duke. Ouh, des petits problèmes avec l'ordinateur aujourd'hui, malheureusement. Il était un petit peu plus lent. C'est pas grave, on va entendre en double. Il va juste falloir réécouter une deuxième fois pour bien comprendre. Et on va y aller. On y va-tu avec un petit tirage en partant? Ah oui, donc un tirage, tiens, pourquoi pas. Donc aujourd'hui, donc dernière émission avant la pause estivale. Alors on vous donne plein de cadeaux. On a accumulé toutes sortes de, on a accumulé tout un butin à puissance maximale avec le temps. Et là, on vous offre deux t-shirts, un médium et un large. qui représente, ma foi, c'est des trucs que t'as trouvé où, ça, Guillaume? Du moins, ça vient de PAX East. Il y en a un qui c'est de la compagnie qui fait Vindictus, dont Nexon, qui fait Vindictus, et le jeu qui va sortir bientôt, là, cet été, Dragon's Nest. C'est marqué dessus, il y a un logo Vindictus. Un très beau t-shirt, très beau logo, un petit peu plus tribal, on pourrait presque dire, comme look. Et un autre t-shirt que je me souviens pas de où est-ce que j'ai pogné ça. Il est mauve. Il est mauve, mais il est marqué Bring It dessus. On dirait une affaire de Kinect ou de... Wii Motion, c'est dur à dire, a l'air de bouger, mais c'est un t-shirt quand même et ça vaut la peine d'avoir toujours un t-shirt gratuit. Donc, pourquoi pas? 529-90-26, 529-90 pour l'avoir gratuitement, je vous le laisse, vous avez juste à passer le chercher. Et on va y aller avec Andrew. Andrew, t'as joué beaucoup en fin de semaine, gros congé de 3 jours, ta blonde t'a laissé jouer à tes jeux, tu as promis des soupers en échange. À quoi que t'as joué? Ben en fait, j'ai eu l'occasion d'essayer le jeu, le dernier bijou de Rockstar, le jeu Elle est Noire, jeu qui s'était fait beaucoup remarquer à cause justement du nouveau moteur graphique que Rockstar a beaucoup travaillé, parce qu'on s'entend, Rockstar généralement, le graphique, c'est pas leur point fort. Encore là, c'est les autres jeux qu'ils ont fait, il y a Red Dead Redemption qu'ils ont fait. Oui, exactement. Qui était quand même très beau graphiquement. Non, mais c'est ça, mais on s'entend qu'il y a des jeux sur la Play 3 ou des choses comme ça qui sont pas mal plus beaux que qu'est-ce que Rockstar fait. Mais il faut comprendre, il faut pardonner Rockstar, on parle quand même de jeux avec des cartes immenses, là. Mais Elle est Noire s'était fait remarquer quand même pour les nouveaux moteurs graphiques qui avaient été instaurés. En fait, jeu sortant un peu des sentiers battus, on parle pas d'un jeu aussi ouvert qu'on a vu avec Red Dead Redemption ou Grand Theft Auto. On parle d'un jeu plus axé sur l'enquête, sur une histoire racontée, dans le fond, par la narration qu'on doit suivre, plus que je prends une voiture et je me promène, là, que Grand Theft Auto. Et justement, là, un des commentaires... Parmi les commentaires que j'ai lus sur Internet que j'ai pu voir au sujet de ce jeu-là, c'est justement la narrative, les cutscenes, dans le fond, les bouts d'animation... qui ont fait avec l'histoire et le voice acting, donc les paroles, tout ça, supposément qu'il était quelque chose qui ressortait, là, que vraiment on y croyait. Oui, bien en fait, c'est que Elle est Noire, à la base, les créateurs du jeu ont voulu rendre hommage au film noir. Donc, on parle beaucoup là, de films des années 40, là, où on a des enquêtes policières, c'est souvent noir, il pleut, il y a des meurtres. C'est vraiment une enquête policière comme on retrouve dans les films de type noir. Donc c'est un hommage qu'ils ont voulu rendre. Autant au point de vue graphique, des fois le jeu devient en noir et blanc. Donc c'est vraiment... ils ont vraiment fait une belle job Rockstar au niveau de ce type-là. Mais aussi en même temps, on voit vraiment qu'ils respectent la mentalité de ce type de film-là, parce que on retrouve dans le fond là, vraiment l'ambiance des années 40, là, après la guerre dans le fond, quand la guerre est finie, dans les années 47, quand les vétérans reviennent, des choses comme ça, commencent à se réintégrer dans la société. On voit vraiment cette ambiance-là. Parce que, comme on le sait, quand les soldats sont revenus de la guerre, il y en a qui ont décidé de prendre ce mollo, qui sont restés avec leur famille, tout ça. Il y en a qui ont décidé de s'engager dans la police. Et d'autres restent à l'armée. Et dans ce cas-ci, c'est quelqu'un qui est resté dans la police. Là, oui, exactement. En fait, c'est quelqu'un qui a décidé tout simplement, c'est un soldat qui avait pour la justice, dans le fond, que, t'sais, lui, il s'embarquait dans la guerre parce que, t'sais, lui, il disait que les Allemands, tout ça, c'était, dans le fond, des personnes mal, puis, t'sais, il voulait faire la justice dans le monde, des choses comme ça. Puis, t'sais, la guerre, c'est pas passé autant qu'il pensait. Il en a appris des choses, t'sais, que ça a pas fait trop son affaire, mais il s'est dit, quand je vais revenir à Los Angeles, je vais devenir un policier, je vais faire régner le droit et l'ordre dans la ville. Puis, t'sais, au début, quand le jeu commence, justement, on voit le caractère du gars, il rentre dans la police, puis lui, dans sa tête, t'sais, c'est, on va arrêter quelqu'un, puis, t'sais, il y aura pas de meurtre, puis, t'sais, il y aura rien. Mais, justement, il y a des vétérans qui, eux, quand ils sont revenus, ont plus penché au niveau de la mafia, le crime organisé, parce qu'il y a eu des petites magouilles. Au point de vue assurance, il y a eu des vétérans quand ils sont revenus, le salaire qu'ils étaient supposés d'avoir, ça n'a pas été qu'est-ce qu'ils étaient supposés, donc ils ont eu de la misère à couper les coins ronds, puis ils trouvent pas de job, puis des affaires comme ça, fait que ça a fait en sorte qu'il y a eu plus de crimes organisés dans ces années-là, fait que quand lui est arrivé, ben c'était plus les petits bandits avec un couteau dans une ruelle, là, c'est le monde avec les Thompson, puis c'est go, là, on go. C'est la deuxième vague, dans le fond, de de crime organisé un peu. Là. Il y a eu dans les années 20, les années 30, pendant la Prohibition, qu'il y a eu beaucoup de gangsters. On pourrait dire que c'était la deuxième vague de gangsters qui est revenue. Exactement. Fait que on voit la métamorphose en même temps du personnage principal qui parle, qui revient de la guerre, que lui, dans le fond, tout va devenir beau, il n'y aura pas de problème, le soleil, il fait, tout le monde est joyeux. Petit job, bien tranquille. C'est ça. En plus, LA avait une forte croissance au niveau de la construction, les familles. Los Angeles, à l'époque, c'était une ville qui avait beaucoup de contrebande, il y avait beaucoup de dealers de drogue, il y avait beaucoup d'éléments. Puis, quand il revenait, justement, la guerre avait emmené, justement, le développement de LA pour faire en sorte que, dans le fond, il y avait plus de familles, c'était plus tranquille. Mais, on voit, justement, une façade plus noire, justement, de la ville de Los Angeles que forcément, il ne montrait pas d'avant-plan, qu'il essayait pas de montrer qu'il était, justement, le crime organisé. Mais, au niveau de l'histoire, dans le fond, on suit l'évolution de ce personnage-là à travers des dossiers, juste à temps qu'il arrive au gros cas de sa vie, où vraiment il va être sur le dos de la mafia, il va être vraiment sur des cas là, des cas de meurtre, puis d'enquête, mais vraiment relié à un gros dossier. Au début, on est plus sur des petits dossiers où on voit justement la montée hiérarchique dans la police du personnage qu'on joue. Donc on apprend à connaître le personnage, voir comment ça fonctionne dans la police, dans le secteur, avant d'avoir la grosse histoire qui embarque. Exactement, puis aussi en même temps, on peut dire qu'il apprend le métier. Parce que les enquêtes qu'on a, c'est vraiment, il prend des petits segments du jeu parce qu'il y a des éléments qui ont été instaurés au niveau de LA Noire qu'on ne voit pas dans les autres jeux de Rockstar. Comme exemple, quand on joue à Grand Theft Auto, on a un système de tir, des choses comme ça, de voiture, mais il n'y a pas vraiment de système de poursuite à pied, il n'y a pas de système d'interrogation, il n'y a pas de système de dialogue élaboré au niveau du jeu. Dans LA Noire, ils ont instauré tous ces éléments-là. Dans le fond, il y a des scènes où on va voir justement enquêter des scènes de crime, on va ramasser des indices qui vont nous servir plus tard à avoir des dialogues avec des témoins ou les suspects. Puis justement, on va pouvoir utiliser ces éléments-là pour faire avouer le crime ou encore avoir plus d'informations pour continuer dans l'enquête. Et chose que, justement, je parlais de l'engin graphique de Rockstar. Rockstar ont mis un engin juste pour les émotions au niveau du visage des personnes. Parce que, justement, l'interrogation, il faut vraiment qu'on aille du détail au niveau des visages pour qu'on soit capable de déterminer si la personne ment ou si elle dit la vérité. Donc, Rockstar ont fait énormément de travail. Puis en plus, ça rajoute une crédibilité au niveau du jeu parce qu'ils ont pris quand même des très bons acteurs pour les voix. Quand il y a des émotions, des choses comme ça, on sent l'émotion à travers la voix. Mais aussi en même temps, ils ont mis beaucoup de capteurs sur le visage justement des personnes qui ont fait les voix pour pouvoir vraiment bien capturer l'émotion dans le visage des gens. Donc, Heavy Rain est un jeu qui s'était fait remarquer pour ça. Je dirais que LA Noire est un des très grands concurrents au niveau des expressions faciales que les personnages peuvent donner. Fait que c'est quand même un bon plus. Après ça, on retrouve au niveau du jeu les poursuites à pied. Il y a certaines fois où il y a des suspects qui vont prendre la course, donc on va falloir leur courir après à travers la ville. Et on peut utiliser l'arme à feu, pas pour descendre le suspect, mais vraiment pour lui faire peur, pour justement faire en sorte qu'il ralentisse et qu'on soit capable de l'attraper. Et il y a beaucoup d'événements, des fois, où on peut poursuivre une victime peut se cacher dans un coin, attendre qu'on arrive, puis là, elle va nous faire un coup avec le bras pour nous ralentir, des choses comme ça. Vraiment, c'est très actif. Plus dynamique comme style, surtout au niveau des poursuites, selon ce qu'il dit là. Puis est-ce que l'ennemi se promène n'importe où? Est-ce qu'on peut couper à travers les bâtisses? Un petit peu comme à la Grand Theft Auto. Il y a certaines victimes, des fois, on va aller dans un appartement. Un suspect, qu'on va arriver dans un appartement. Puis, il va sortir par la fenêtre. Puis là, il va grimper sur le toit, va sauter sur les toits du bâtiment. À un moment donné, il va descendre par une échelle de secours ou une gouttière. Puis là, on va courir. À un moment donné, il peut couper dans un magasin. Il faut vraiment suivre le suspect parce qu'il peut sortir des trucs des fois qu'on ne s'attend pas. Puis justement, qu'est-ce qui est bien, c'est que des fois, le suspect peut se faire aider par ses collègues, mettons qu'il y en a avec une voiture qui vont venir te bloquer le chemin, mais comme tes collègues aussi peuvent bloquer le suspect avec les voitures. Puis les personnes que tu cours après, est-ce qu'ils font comme dans les bons vieux films, tu cours dans une allée sombre et tu pognes les poubelles puis ils tirent par terre pour essayer de te ralentir, il y en a-tu de ça? J'ai pas eu encore l'occasion de voir une poubelle se faire lancer dans mon chemin, mais c'est déjà arrivé que j'ai vu une prise d'otage pendant une poursuite. Tu nous parles depuis tantôt du storyline là, pour ce qui est des commandes, un peu de la vision, c'est un troisième personne. C'est, en fait, la base du jeu reste comme Grand Theft Auto. Le système de tir, le système de contrôle et la vue en général, c'est identique en tout point à Grand Theft Auto. C'est une formule qui est gagnante au niveau de Rockstar. C'est juste qu'ils ont rajouté autour là, de la viande là, pour permettre, dans le fond, là, de rajouter du nouveau là, au niveau du système de jeu. Mais puis aussi en même temps, les fusillades sont quand même, ils ont fait quelques améliorations au niveau de l'intelligence artificielle. Tu sais, comme on peut savoir dans Grand Theft Auto, généralement, mettons qu'il y a du monde qui vient de tirer, ils n'ont pas le réflexe d'aller se cacher. C'est pas mal. Se mettent à couvert, ils feront pas. Là. C'est ça. Tandis que dans ceux-là, les suspects se mettent à couvert. Ils veulent vraiment pas se faire descendre. Tu les entends se parler. Puis des fois, quand t'es assez proche d'un suspect, tu vois qu'il y a des fois la chienne dans sa face, des choses comme ça. Puis aussi en même temps, on retrouve pas le concept de personnage invulnérable. Un peu comme dans GTA. T'es dans GTA, mettons qu'on fait un accident de voiture, si on est capable on se fait éjecter, puis on est blessé, si on s'éloigne, des fois la vie remonte à moitié, des choses comme ça. Dans Il est noir, il n'y a pas ça. Si tu te fais tirer 3 balles dans le corps pendant une fusillade, ben tu vas toffer tes 3 balles dans le corps jusqu'à la fin du dossier, puis, ou encore au prochain intermède, puis ça t'en prend pas 3 pour te faire descendre. Fait que c'est quand même. C'est un bon stress au niveau de ça. Donc, un jeu où est-ce qu'il faut pas nécessairement juste courir partout, foncer dans tout avec la voiture, tirer n'importe comment, faut y aller un petit peu plus intelligemment. Là. Exactement, parce qu'il faut pas oublier, dans L.A. Noir, on ne joue pas le côté gangster, comme dans les majeures parties des jeux de Rockstar. On joue vraiment le côté bon policier qui respecte les forces, qui respecte les lois. Donc, ça, c'est un petit côté plus mal que certaines personnes n'ont pas aimé dans L.A. Noir, mais moi, que ça me dérangeait pas, parce que c'est dans l'histoire. C'est, on peut pas se promener avec un revolver comme on veut dans la rue, tirer du monde dans la rue, ou encore prendre une voiture et écraser des gens, ou détruire les ponts de fontaine, des choses comme ça. On peut pas faire ça. Mais on peut au niveau de la voiture, mais on se le fait reprocher à la fin là, par le chef de police. Là. Est-ce que le fait que toutes ces choses-là, c'est impossible, là, disons, par rapport à Rockstar ou à Red Dead Redemption, est-ce que ça fait que ce jeu-là est plus linéaire que ses prédécesseurs, ou est-ce qu'on a quand même, est-ce que tu parlais d'un storyline, d'un côté narratif très fort, est-ce qu'on est obligé absolument de suivre ce côté narratif-là, ou on a quand même une ouverture là, dans le gameplay? Ben en fait, c'est qu'on a quand même une petite ouverture au niveau du jeu. Par contre, il faut faire attention. C'est quand on part une enquête, dans le fond, on peut se promener où on veut avec la voiture au niveau de L.A., il n'y a aucun problème. La seule chose, c'est qu'il y a certains événements qu'on peut manquer pendant l'enquête parce qu'on a trop attendu avant d'y aller. Mais si on se promène au niveau de la ville, il y a des missions à côté qui peuvent arriver parce qu'on est dans une voiture de police, on est un policier malgré le fait qu'on est un enquêteur. Ça peut arriver des fois qu'on a un appel sur la voiture disant « Hey, il y a un vol de banque à tel endroit. » On peut décider de prendre l'appel et d'y aller. Ça donne de l'expérience de plus parce que dans ce jeu-là, il y a un système d'expérience. En fait, ça donne pas plus de facultés au personnage de mieux tirer ou des choses comme ça. Ça donne simplement des points qu'on appelle d'intuition. Fait qu'advenant le cas qu'on est pendant l'enquête, on est vraiment pas sûr de si un témoin ment ou des choses comme ça, ou on veut mettre une preuve pour dire qu'il ment, mais qu'on sait pas quoi mettre. On peut utiliser ces points-là pour nous donner un petit coup de pouce, et je vous dirais que dans certaines enquêtes, c'est très pratique. Parce qu'on peut rater des enquêtes en passant. Et au niveau là, de la durée de vie du jeu jusqu'à date, combien d'heures de fait dedans? Moi, au total, j'ai joué à peu près une dizaine d'heures dans le jeu et j'étais même pas encore rendu dans la grosse enquête. J'étais encore dans les petites sous-enquêtes. Il y en a vraiment beaucoup avant de commencer la grosse. Puis on parle de... D'après qu'est-ce que j'ai cru lire sur Internet, parce qu'en plus, il y a des enquêtes que Rockstar sort à côté qu'on peut télécharger. On peut parler d'un bon 30-40 heures facile au niveau de la trame narrative si on se fie juste à ça. On n'a pas tendance à se promener. Non. Tu disais tantôt là, les petites missions. Est-ce que tu parlais des missions du début? Est-ce que ça commence? Est-ce que c'est du briefing pour apprendre à jouer, ou c'est vraiment... Ben c'est ça, c'est que généralement les enquêtes vont plus se fier à un élément du jeu en particulier, comme tu as une des enquêtes que tu fais un interrogatoire, mais c'est facile. L'interrogatoire, tu vois tout de suite si la fille a main ou pas. Après ça, tu te ramasses avec une poursuite à pied, un autre moment donné, tu as une fusillade. Tu sais, il intègre les éléments petit à petit, puis à un moment donné, là, tu commences à tomber sur des petites enquêtes qu'il y a de tout dedans pour justement t'habituer à utiliser ça. Puis c'est des missions qui n'ont pas beaucoup d'impact si tu rates. T'as maintenant quand tu rates un interrogatoire, mais tu n'auras pas de misère à résoudre le cas pareil. Ah, ben c'est bon. Donc, L.A. Noir, une note sur 10? Moi, j'y donnerais un 8.5 sur 10. Disponible sur PlayStation 3 et Xbox au prix de 59,99. Donc, Andrew Kelsigan avec L.A. Noir. Et on va y aller en musique avec une chanson que tu as choisie pour ce moment. Oui, ben pour fêter avant le break estival, une petite toune de Brent Allfloss, artiste internet que j'aime bien, qui s'appelle « The Me Channel ». En l'honneur du canal Mi sur la Wii. Ouh, un canal que Michael aime beaucoup, supposément du moins la chanson. Ah oui, moi j'adore cette chanson-là, Brent Allfloss, très bonne. Et on s'en va en musique, mais juste avant, on félicite M. Gervais qui a gagné les T-shirts. Il y a d'autres personnes qui ont appelé aussi. Malheureusement, peut-être qu'on va faire tirer d'autres choses tout à l'heure. Alors, bravo M. Gervais. Et sinon, ben, juste avant la pièce, j'aimerais ça qu'on écoute, étant donné qu'aujourd'hui, c'est un spécial puissance maximale, c'est un spécial de 2 heures. Peut-être qu'il va y avoir des émotions tout à l'heure. Mais commençons justement par l'aspect nostalgique. On va écouter l'intro de la première émission de tous les temps de Puissance Maximale qui a été tournée, qui a été enregistrée le 3 septembre 2007. Et là, je le répète, depuis ce temps-là, Puissance Maximale, il n'y a pas un lundi qu'on a manqué. Et donc, on va écouter l'intro parce qu'à l'époque, à Puissance Maximale, on faisait des introductions théâtrales. C'est le bon vieux temps, ça va faire qu'on commence à les faire. Ouais, c'est ça. On est un petit peu tanné à m'emmener des fers. Mais bon, c'était belle fun. Vous allez voir, la première intro qu'on a jamais faite, c'était bien fait. Fait qu'on va écouter ça, puis après ça, on va écouter la pièce de Brental Floss. Vous êtes à Puissance Maximale. Sans peur, soumis à sa dame. Par-delà les landes et collines, les monstres, mon courroux, ils craignent. Geste-toi, Sébastien, cœur de lion, invincible plénipotentiaire impérial. Le roi empereur me donne-toi sainte mission d'évangéliser les païens. Ha! Vous étiez sieur, cœur de lion! Mon honneur fut bafoué au moment maudit où vous dépuceliez ma sœur. Ah, c'est à soi cela que vous chicotoie ces derniers temps. Puisque c'est comme cela, réglons cette dispute en duel. En garde! Allez! Ah, prends ça maintenant! Sale mécréant! Oh, emporte-moi, Dieu impénitent! Par la dent de Saint-Guinéphore, c'est le dragon Garcadox. Parbleu, comment se peut-il? Ça alors, Garcadox n'a fait qu'une bouchée de mon écuyer. Sieur fornicateur, unissons nos forces contre le dragon. Par le cheveu de Saint-Elzéar, vos paroles sont fières, cœur de lion. Changeons! Attendez, mon bleu, j'ai une meilleure idée. Sieur Dragon, vous ne pouvez pas manger avant de connaître le contenu de l'émission d'aujourd'hui. Megami. Megami with me. It will be so much fun to hear. Just turn on your Wii. And we'll make one or two or three. Megami. Megami. Megami. Katie, Tom, and even Obama has a me. on his Wii. Wait, no. If you feel sad, take a tip from me. And once again, you'll be happy. Everyone sees us, we have me's. Even Jesus probably has a me. His me is holy. So I made a me. Me me gusta mi mi si si. Because he looks just like me. De retour sur les ondes de CKIA, vous écoutez Puissance Maximale et en parlant d'art, je vais vous parler d'un jeu de plateau basé sur les histoires, sur les monstres de Lovecraft. Donc le jeu Arkham Horror, qui est un jeu de plateau de 1 à 8 joueurs. Ça fait quand même quelques années que ça existe. Même la première édition du jeu est sortie en 1987 par Chaosium, qui ont fait ça la première aussi version. Que ça? La première édition, oui. Ça a été repris en 2005 par Fantasy Flight Games, qui en 2007 ont refait une nouvelle édition revisée avec d'autres corrections encore. L'édition de 87 et de 2005 sont vraiment différentes quand même. Le principe reste le même, mais le plateau a changé, des règles ont changé aussi. Le jeu qui est sorti en 2005 avec la nouvelle version revisée de 2007, c'est qu'est-ce que je vais vous parler aujourd'hui, qui est un très bon jeu. Comme 2005, ça fait quand même 6 ans de ça, c'est pas nouveau comme jeu. C'est ce qu'on appelle un jeu lourd. Là. Si vous avez les pinoches, les cartes, il y en a en là. Puis plus qu'on met d'extensions, plus que ça prend de la place. J'ai une bonne place pour faire du gaming chez nous. Là, on est capable de jouer jusqu'à 8 facilement autour d'une table pour avoir de l'espace. Puis je vous dirais qu'avec deux extensions qui ont des ajouts de plateau, ça va commencer à manquer de place là, à ce moment-là. Puis il y en a plus que ça qui existe, des expansions. Donc oui, ça prend de la place. Si vous n'avez pas trop, peut-être se limiter à le jeu de base et les extensions qui rajoutent juste des cartes et non des plateaux. Mais vous allez peut-être manquer d'autres affaires intéressantes à ce moment-là. Donc faire attention à ça. Si vous n'avez pas l'espace dans votre 3,5 chez vous, dans sa cuisine, ça ne marchera pas. On peut jouer par terre. On peut jouer par terre. Ça fonctionne aussi tant qu'on n'a pas de chat. Parce que là, ça commence à bien. Les gens avec animaux s'abstenir. Oui, le chat ou le chien qui décide qu'il s'assied en plein milieu là, puis faire ses affaires, là, c'est super le fun. Ben, c'est le pion qui représente Cthulhu. Ah oui, c'est à peu près la bonne grosseur, ça. Côté échelle, là, je pense que ça a du bon sens. Donc, Arkham Horror, 1 à 8 joueurs. Le jeu suggère 12 ans et plus. Je suggère vraiment un minimum de 12 ans. Tant qu'à moi, ça va être un 14 ans et plus comme jeu. Une partie qui va durer entre 2h et 4h, tout dépendant, bien sûr, de combien de joueurs qu'on est et du grand ancien qu'on doit combattre, parce qu'il y en a certains que la partie va aller plus vite contre. Entre autres, Yig, qui est le grand ancien des hommes serpents. Une partie avec lui, normalement, c'est plus court. Tandis qu'il y en a d'autres, comme exemple Cthulhu, lui-même, quand on l'a comme grand ancien, la partie est beaucoup plus longue à faire. Donc, on peut calculer des 1 ou 2 heures de plus, tout dépendant, on est combien. Le jeu, première des choses, c'est un jeu coopératif. Donc, on se bat pas entre nous autres. Si on essaie de se backstabber entre nous autres, d'aller chercher des affaires avant l'autre, parce que moi, je le veux, puis je veux pas que tu l'ailles, le jeu, ça marchera pas. On va mourir, ça va être la fin. C'est vraiment un jeu coopératif. Faut, à des moments, décider, moi, je vais aller faire ça. Pendant que toi, Michael, tu en vas faire ça. Pendant que toi, Andrew, tu s'en vas tuer le monstre là-bas pour laisser l'autre joueur d'après passer sans qu'il y ait de problème parce qu'il n'est pas capable de s'en occuper. Donc, un jeu vraiment très, très coopératif. Beaucoup plus que d'autres jeux du genre que j'ai déjà joué. C'est vraiment celui que j'ai trouvé le plus compétitif jusqu'à date. Le jeu, c'est quoi? De base, on joue dans la ville d'Arkham, donc une ville inventée par Lovecraft qui n'existe pas réellement. Une petite ville tout à fait normale, mais que malheureusement, il y a des cultistes un petit peu partout et il commence à avoir des portails qui rouvrent et qui vont faire en sorte qu'un grand ancien va se réveiller à la fin. Si jamais on ne ferme pas les portails à temps, le grand ancien se réveille et on a une chance de pouvoir se battre contre. Mais Guillaume, pour ceux qui ne connaissent pas l'univers de Lovecraft, qu'est-ce qu'un grand ancien? Un grand ancien, la façon la plus simple de faire ça, ça serait de dire c'est un extraterrestre. Parce qu'en bout de ligne, ça revient presque à ça. Mais ce sont des entités. Il y en a certains que c'est des. Ah non, c'est vrai, c'est tous des extraterrestres. Ouais, c'est vrai. D'une certaine façon, c'est tous des extraterrestres. C'est des entités qui viennent d'un autre endroit. Par exemple, Cthulhu, je pense qu'il est resté longtemps sous la mer, mais je pense qu'il vient à l'origine des étoiles, je pense. C'est ça, il vient des étoiles, il vient de quelque part. plus loin, on sait pas trop où exactement, c'est pas trop clair, on veut pas vraiment le savoir non plus, parce que ça enlèverait du mystère si on saurait sur quelle rue qui a grandi, sur quelle planète, ça marche comme un petit peu moins. Méchante planète. Mais c'est ça, donc, il y a des portails qui rouvrent, le but des investigateurs, c'est d'aller explorer le portail qui nous amène dans un autre monde. Et on ne sait pas c'est quoi ce monde-là tant qu'on ne rentre pas dans le portail. Il faut survivre l'exploration de l'autre monde, revenir à Arkham et à ce moment-là, tenter de fermer le portail. Et si on le ferme, alors mission accomplie, ça fait un endroit de moins où est-ce qu'un portail peut ouvrir. Par contre, les portails ne rouvrent pas toujours au même endroit. C'est de façon aléatoire. Et quand on a un certain nombre de portails ouverts en même temps sur la table, tout dépendant du nombre de joueurs, la partie est perdue, le grand ancien se réveille. Il y en a certains qu'il faut faire attention, c'est Azathoth, que lui, s'il se réveille, la partie est finie. On peut même pas essayer de le combattre, c'est fini. Okay. On fait une nouvelle partie, on recommence, c'est aussi simple que ça. Il y en a d'autres, comme Yig, qu'on peut se battre contre, mais qui, quand on se bat contre, on commence maudit. Donc, beaucoup plus difficile de se battre contre. C'est vraiment pas un combat assuré. Ça peut arriver que le combat commence, puis on est mal en point, on n'est pas guéri, on est tous blessés. Ça durera pas longtemps à ce moment-là, tandis que d'autres fois, quand on le voit venir, on est capable de se préparer pour. C'est pas trop pire. Le jeu, beaucoup de pinouches, comme que François a dit, il y en a vraiment beaucoup. Les personnages, il y en a une panoplie. C'est vraiment intéressant parce que chaque personnage, bon, en plus d'avoir le petit carton pour mettre sur le jeu plateau, a sa fiche avec un dessin et une petite histoire en arrière qu'on n'est pas obligé de lire, mais c'est juste intéressant. Ça donne même des très bonnes idées pour des personnages pour le jeu de rôle de Call of Cthulhu. Si jamais vous êtes des gens qui jouent à ça, moi, juste en voyant ça, là, c'est la meilleure façon pour expliquer que, surtout avec quelqu'un nouveau qui sait pas trop qu'est-ce qu'il veut faire, mais voici des exemples de personnages que tu pourrais faire. Tu pourrais faire un politicien, tu peux faire un acteur, tu peux faire un journaliste, un photographe, un prêtre ou une sœur, comme dans ce jeu-là, qui commence justement à l'église. Ça donne des idées, finalement, pour aussi pour nos personnages, puis aussi créer pour le maître de jeu, pour le maître de jeu PC, aussi. Des trucs du genre. Tout à fait, parce que le jeu de plateau se tire vraiment de la mythologie de Lovecraft. Les items, les tombes, on a le livre le culte des Goulds dans le jeu, on a le Necronomicon aussi qu'on peut ramasser. Beaucoup d'objets, d'artefacts uniques qui ressortent dans les histoires à gauche, à droite, et dans les aventures qu'on retrouve dans le jeu. Donc, une bonne source d'inspiration à travers de ça. Les monstres aussi. Il y a certains monstres qu'on n'est pas trop sûr à quoi que ça ressemble exactement, mais le jeu, les monstres, les petits cartons qui sont dessus, il y a une image dessus, donc un Hound of Tyndalos, j'avais déjà entendu le nom, j'avais aucune idée à quoi ça ressemblait, puis finalement ça ressemble à un genre de chien lézard, ça n'a pas l'air trop sympathique. En même temps, pour ceux qui connaissent l'univers de Lovecraft, il y en a des fois qui sont déçus des représentations graphiques de certaines créatures, parce que des fois Lovecraft, dans ses descriptions, dans ses livres, c'était soit plus épeurant ou plus vague un peu, mais il ne faut pas trop... Faut pas être trop puriste là, dans le genre. C'est ça, souvent, c'est des descriptions qui laissent beaucoup de place à l'imagination. C'est extrêmement important parce que, bon, c'est de la littérature. Hein, alors, c'est ça, les monstres sont... Une chose est certaine, c'est épeurant. Ouais. Ensuite, la forme exacte, ça, c'est souvent très interprété. C'est ça, mais ça empêche pas ces jeux-là d'être excellents. Oui, c'est ça. Puis comme n'importe quoi, dans n'importe quel livre de jeu de rôle ou de jeu de plateau, quand il y a des représentations, c'est selon l'artiste aussi qui a lu dans les livres, qui a regardé d'autres illustrations, qui a fait sa version. Un maître de jeu, n'importe quel joueur peut changer les affaires un peu là-dessus aussi. Là, c'est une interprétation. C'est libre à soi aussi. Là, on n'est pas obligé de suivre à la lettre là, à quoi ça ressemble. Moi, Toulouse, si je décide qu'il y ait, finalement, il y a des pattes de canard, mais il a le droit d'avoir des pattes de canard. Il va peut-être être moins impressionnant par contre. D'ailleurs, pendant que vous en parlez, ça me fait penser, il y a un collaborateur à Puissance Maximale qui a déjà collaboré longtemps, qui s'appelle toujours Mathieu Place. C'est un artiste en art visuel. C'est un artiste. Et puis, il avait représenté tous les anciens tous les monstres de Lovecraft, de l'univers de Lovecraft, en grand format noir et blanc. Oui, très impressionnant. Ouais. J'avais déjà vu quelques images et quelques-unes de ces pièces et c'était vraiment impressionnant. Moi, chez nous, j'ai Cthulhu. Mais Cthulhu, il est représenté sans tentacules. Normalement, Cthulhu, il y a toujours des tentacules, mais Mathieu Place, il a décidé de le représenter sans tentacules. Donc, c'est vraiment là, interprété là, selon la fantaisie de l'artiste. C'est ça qui est intéressant. Le jeu, comme je vous ai dit, il y a des monstres, il y a des portails à fermer. Il y a des items aussi, c'est ça qui est intéressant. Quand on s'en va au magasin général, mais on pige des cartes au hasard et on peut se ramasser, genre, ça peut être du whisky, ça peut être de la nourriture, ça peut être un dos, ça peut être un Thompson. On sait jamais qu'est-ce qu'on pige. Même chose avec on a des sortilèges dans le jeu. Donc, on peut avoir, apprendre et, bien sûr, quand on fait de la magie, ça coûte de la santé mentale, comme dans le jeu de rôle, sur le jeu de plateau aussi. Jeu de plateau, quand même un système unique côté statistique, parce que, première des choses, les personnages ne sont pas égaux. Il n'y a aucun personnage qui ont les statistiques sont tout à fait pareils. Il y en a qui sont vraiment plus forts que d'autres côté statistique. Par contre, ils ont des habiletés plus intéressantes à ce, de ce côté-là. Les attributs, il y en a 6, mais ils sont toujours regroupés en groupes de 2. Donc, exemple, on a stealth ou sneak et speed, donc la vitesse qu'on bouge, donc le nombre de cases qu'on peut se déplacer. Tandis que sneak, c'est qu'est-ce qu'on a pour éviter les monstres. Plus qu'on se met de sneak, moins qu'on a de speed. Donc, plus qu'on bouge vite, moins qu'on est furtif, mais plus qu'on est furtif, moins qu'on va vite. Donc, c'est toujours de trouver un équilibre. Mm. Et le personnage, à chaque début de tour, peut déplacer certains de ses statistiques, soit monter ou descendre. Selon le contexte. Selon le contexte, parce que des fois, on s'attend à vouloir faire quelque chose, puis malheureusement, il y a d'autres choses qui arrivent, puis la statistique est juste pas à bonne place, et c'est fini, le personnage meurt. Par contre, quand on meurt pas vraiment dans le jeu-là, en soit quand on se retourne à l'hôpital ou à l'asile, et normalement, on recommence à un point de vie ou un point de santé mentale. Par contre, avec l'expansion de Dunwich, on peut décider d'avoir soit des phobies ou des blessures graves permanentes sur notre personnage qui vont nous donner des avantages. Exemple, on peut nous manquer une main. Dans ce jeu-là, c'est important parce que normalement, on a deux mains pour utiliser nos affaires. Donc, utiliser, je sais pas, une Thompson, ça prend deux mains. Utiliser une épée, ça prend une main. Mais s'il manque une main, je peux plus utiliser la Thompson. Mm-hmm. Donc, je suis obligé d'aller me rééquiper. Ça marche plus de la même façon. Faut échanger avec les autres joueurs. Même chose avec les phobies. Il y en a certains. Exemple, on a peur des morts. Donc, je veux pas aller dans le cimetière. Les morts me font plus peur. Donc, je perds plus de santé mentale. Donc, c'est toutes les petites affaires dans le même qui rendent le jeu intéressant quand même. Ben, c'est le fun. Ça fait une autre dimension au jeu de plateau finalement que lancer des dés puis se promener. Là, on a de la gestion à faire. Il y a de la gestion à faire. Oui, on lance des dés. Il y a toujours le système du hasard parce que le système fonctionne avec des D6. Si j'ai un attribut, disons, de fight, donc de combat à 3, je roule 3 dés. Chaque 5 et 6, ça me donne un succès. Donc, de base, très, très simple. Par contre, les monstres vont m'enlever des dés tout dépendant comment ils sont forts. Certains monstres vont faire en sorte que les armes normales physiques ne fonctionnent pas. Donc, si j'arrive, quand exemple, un fantôme avec une Thompson, ça marche pas. Ça va vraiment pas bien. Je vais probablement mourir. Donc ça, c'est un aspect qui est très intéressant de gestion supplémentaire. Chaque joueur va avoir leur force, leur spécialité. On peut ramasser des alliés. Puis, vu que tout le monde a sa spécialité, c'est ça qui va déterminer un peu qui va aller faire quoi. Si je suis malchanceux puis je ramasse pas de bons sorcellages, de bons objets, mais il va falloir que je fasse d'autres choses pendant que les joueurs qui ont ramassé les bons items aillent se battre contre les monstres à ce moment-là. Donc, quelque chose de très intéressant. À chaque tour aussi, on a des rencontres quand on s'en va des endroits précis. Exemple, si je m'en vais à l'asile, si je m'en vais à Independence Square, qui est une section d'Arkham, si je m'en vais genre au restaurant du coin, on a des rencontres. Il y en a des fois, c'est juste bénéfique. Il y en a des fois, ça peut juste être mauvais. On n'a aucun contrôle là-dessus. C'est tiré au hasard. Souvent, on a des jets de statistiques à faire. Exemple, on peut faire un jet de luck, donc de chance à moins un dé. Et si on le réussit, on ramasse quelque chose. Par contre, ouais. Si on le manque, ça se peut qu'on ait certains effets néfastes. Je vais vous donner un exemple, par exemple. Dans le fond, chaque lieu a une pile de cartes attribuées. Fait que oui. Là, il y a vraiment des piles de cartes épouvantables. Plus qu'on a d'expansion, plus qu'on a de cartes différentes, qu'est-ce qui rend le jeu encore plus intéressant? Fait que mettons qu'on arrive dans la librairie. Là, on veut essayer de faire quelque chose dans la librairie. Donc, on rentre dans la librairie, on tourne une carte. Là, ça peut être marqué, mettons, vous mettez la main dans une étagère et là, il y a une main griffue qui sort et qui essaie de vous attraper votre main. Faites un jeu d'agilité pour essayer d'éviter la main. Si vous gagnez, mettons, une page du Necronomicon. C'est ça. Ou exemple, la page du Necronomicon qui va nous donner un sorcellage où on s'en va à un endroit, il y a une boîte, on a un jet à faire de chance. Si on est chanceux, on a réussi notre jet, ben on ramasse un objet quelconque qui est dans la boîte. Si on est malchanceux, mais c'était une main qui était là, donc on perd de la santé mentale. Donc c'est vraiment tout à fait au hasard. Les portails, ça prend qu'est-ce qu'on appelle dans le fond des indices, des clous tokens pour pouvoir les fermer. Et normalement, ça en prend 5. Si on n'a pas 5, on peut même pas essayer de la fermer, le portail. J'ai déjà rentré dans des portails avec moins de 5. J'ai eu des rencontres tout à fait bénéfiques. J'en sors de là avec 6. Puis je suis capable de fermer le portail. Tandis qu'il y en a d'autres qui rentrent là-dedans, ils en ont 8. Et ils en perdent 6 en chemin, puis ils sont pas capables de fermer, puis ils meurent, puis c'est d'atroces souffrances. Ça va juste pas bien. Le jeu a beaucoup d'expansions, quand même. Je me trompe pas, il y en a 7 de sorties. Il y a des expansions qui rajoutent des bouts de plateaux supplémentaires. Il y en a d'autres qui rajoutent juste des cartes. Le premier qui est sorti, c'est Curse of the Dark Pharaoh. Dans le fond, la malédiction du pharaon sombre, qui serait la meilleure traduction, qui est en réalité une exhibition égyptienne qui se promène à Arkham. Donc, il y a des affaires qui peuvent se passer, dont un moment donné, on a joué. Et ça faisait en sorte que dans les rues, il y avait des momies partout. Donc, à chaque fois qu'on voulait se déplacer, il y avait toujours un monstre qu'il fallait soit éviter ou se battre, qu'est-ce qui nous ralentissait beaucoup. Par contre, si jamais on réussissait certaines affaires, donc de trouver un item de l'exhibition et de le ramener à l'université, bien, on enlevait la malédiction, les momies disparaissaient. Il y a aussi une autre expansion qui est The King in Yellow, donc basée sur Assur, le roi en jaune. qui est une expansion de juste de cartes aussi supplémentaires que je n'ai pas malheureusement encore, mais je vais regarder pour le trouver. Il y a l'expansion de Dunwich, donc un petit village que j'aime bien parce que mes joueurs sont tous morts là au courant de l'été passé, l'automne passé, cet hiver, l'automne-hiver, sont tous morts justement à Dunwich, et avec cette expansion-là, quand ils voient les lieux et des rencontres et des personnages qui ressortent, ils aiment ça parce que c'est vraiment, ils ont vraiment basé, comme j'ai dit tantôt, sur l'univers. Les personnages reviennent, les endroits sont similaires, donc c'est quelque chose pour les amateurs, les gens qui ont déjà joué, c'est vraiment un plus parce que vous allez vous retrouver à travers de ça. Là. Ou ceux qui ont lu les romans. Là. Ou lu les romans aussi. Généralement, on lit les romans après avoir joué au jeu de rôle, quoique des fois, c'est l'inverse aussi. Mm. Mais les personnages reviennent, là, justement, dans Dunwich. On a le vieux Wizard Waterly que mes joueurs ont haï beaucoup, même s'ils ne l'ont jamais rencontré, puis il est mort dans le jeu. Mais ça, c'est pas grave. Ils l'aiment pas quand même. Il ne les a rien fait en plus. Donc, jusqu'à cette extension, si je ne me trompe pas, il y en a trois ou quatre qui rajoutent des plateaux. Donc, comme je vous ai dit, ça prend de l'espace. Une table de 3 par 6, ça marche pas. Faut avoir de l'espace pour nos personnages. Faut avoir de l'espace pour pouvoir, dans le fond, respirer autour de la table. Je vous suggère vraiment de faire attention de ce côté-là, par contre. Faut s'attendre à payer à quel prix pour le jeu principal et les expansions? Est-ce le jeu principal et les expansions, c'est pas donné quand même. J'ai été chanceux. J'étais capable d'avoir 3 expansions à moitié prix. J'ai eu un aubaine là-dessus. Il me restait juste à acheter le jeu de base parce que j'ai acheté les extensions avant le jeu même. Le jeu de base tourne à environ à l'entour de 60$ plus taxes. Donc, c'est pas donné. Par contre, oui, il y a beaucoup de choses dedans. Mais à chaque extension qui tourne entre 50 et 60$ aussi, ça peut revenir, ça monte vite. Là. C'est un jeu à y aller à petits pas. On là. Demande des cadeaux de Noël et de fête. Oui, c'est ça. Des cadeaux de Noël, des cadeaux de fête. Si on aime le jeu, ça vaut la peine. Puis plus qu'on est, plus c'est le fun aussi, ce jeu-là. Surtout la façon dont tu l'as décrit, je pense que c'est un jeu qui est quand même, qui est pas redondant. Puis on a plusieurs heures. Oh non, là, c'est tout à fait. Pour le prix. Le Grand Ancien, on le tire au hasard à chaque fois. Moi, je pense avec mes trois, ben dans le fond, mes 4 extensions, mes 3 extensions, dont 2 qui ont des jeux, des plateaux supplémentaires qui venaient avec des Grands Anciens. De plus, je pense que je suis rendu à environ 16 Grands Anciens. Donc déjà là, on peut repogner 2 fois le même, là, mais il y a des bonnes chances là-dessus. Les personnages, je dois en avoir une 20aine, donc on y va au hasard à chaque fois. Donc ça se peut que la combinaison de personnages va pas bien ensemble, que la partie soit plus dure. Comme qu'on peut avoir juste la bonne combinaison, ça va super bien. Donc chaque joueur avec des personnages différents à chaque partie, un Grand Ancien différent, les cartes de rencontre qui varient de façon aléatoire selon les endroits où est-ce qu'on va, ça fait en sorte que c'est pas un jeu qui revient pareil. Exemple, World of Warcraft, le jeu de plateau, je l'ai, c'est super le fun, mais on fait vite le tour à ce moment-là du jeu et on sait où aller rapidement par après, on sait quelle quête faire, on sait quel personnage pour aller combattre quel monstre, puis ça revient toujours à la même chose. Celui-là ici, plusieurs parties de jouer, pas encore une seule partie pareille, donc vraiment une bonne diversité de ce côté-là. Est-ce que c'est bien difficile de gagner? J'imagine, c'est, comme on a dit tantôt, c'est tout dépendant du Grand Ancien qu'on va combattre, mais est-ce que en général, la difficulté est bien élevée, très élevée? Ou? La difficulté est quand même très élevée. Jusqu'à date, chaque partie que j'ai jouée, on a réussi à gagner. Par contre, il y en a eu 3 où est-ce qu'un tour de plus contre le Grand Ancien et c'était fini. On était chanceux, là, ça a fini genre à un jet, là, ça prenait 2, 3, 6 sur une dizaine de dés, puis si on ne l'avait pas, le tour d'après, là, c'était fini, là, tout le monde était mort. Il y en a d'autres gens qui ont moins souvent gagné que ça. C'est sûr, certains qu'il y a toujours une question d'expérience et d'habileté des joueurs d'analyser le jeu. Mais c'est pas un jeu facile. Ça, je vous l'avais dit tout de suite. C'est pas un jeu impossible non plus. Si on ferme tous les portails avant, on est correct. Faut prendre le temps. Faut prendre le temps. Puis le jeu est complexe, mais simple. C'est difficile à expliquer mieux que ça, mais il y a beaucoup de règles, beaucoup de choses, mais ça gère bien, il y a une logique en arrière. C'est simple à comprendre, mais il y a quand même une complexité dans... C'est ça, ça va prendre une partie ou deux là, d'essai là, en ayant le livre de règles là, dans les mains, puis en allant étape par étape, un petit peu plus compliqué à ce moment-là. Comparer, exemple, le jeu de Ravenloft, de Donjons & Dragons, qui est simple mais complexe, parce que les règles semblent simples, le jeu semble simple, mais les règles sont pas claires. Ah ouais. Donc on cherche souvent, on n'est pas sûr. Ben, c'est un peu comme StarCraft, le jeu de plateau aussi, là. Moi j'ai joué à StarCraft puis moi personnellement je trouvais que les règles étaient pas très simples non plus là. Ben c'est, y a des fois il y a des jeux qui expliquent mal, puis Arkham Horror c'est quelque chose, le jeu explique bien. À chaque fois qu'on achète une expansion, à la fin du livre de règles t'as des errata ou des questions fréquentes qui répondent dessus, donc c'est quand même bien à ce moment là. Donc, on va y aller en tirage encore? Oui, donc Horror Arkham Horror. Est-ce que tu donnes une note? Moi, comparé à d'autres jeux de plateau, c'est le jeu de plateau que je recommande le plus en ce moment. Il y en a d'autres qui vont bien aimer Settlers of Catan, qui vont leur donner un 5 sur 5. Moi, personnellement, ce jeu-là, en ce moment, c'est mon jeu préféré de plateau. J'en ai quand même quelques-uns. J'en ai joué à plusieurs. Le jeu de ce jeu-là, sur un 5, je donne un 4.5. C'est un bon jeu, je le recommande à tout le monde. Par contre, jouons au moins à 3 personnes, parce que moins que ça, pas trop intéressant. Mais de 3 à 6 joueurs, je pense que c'est à peu près le bon chiffre là, pour que ça aille très bien. C'est bon. Donc, on ira pas en tirage tout de suite. Par contre, on va écouter une pièce. Laquelle est-ce qu'on met? On va y aller avec une chanson thématique pour aller avec une chanson de Metallica, qui sont des gros fans de certains sujets, surtout dans le temps, à l'époque. Et la pièce, justement, basée sur le personnage mythique de Toulouse, qui s'appelle Toulouse. Et on va y aller avec Call of Toulouse de Metallica sur les ondes de CKIA. Oui, avant, on va écouter encore une introduction d'une émission, celle du 6 avril 2009. Et là, je ne l'ai pas écouté avant de 6 avril 2009. J'étais là à ce moment-là, moi. C'était. L'intro, ça avait rapport avec le film La quête du Graal de Monty Python. Donc, j'ai aucune idée, je ne me souviens même pas. Des nouvelles découvertes ou des anciennes découvertes. On essaie de découvrir ça ensemble. Donc, émission. Dernière émission avant la pause estivale. De Puissance Maximale, on fait des découvertes ensemble. Oh, Rue-Saint-Jean nous appartient. C'est le Faubourg Saint-Jean en fête, les samedis et dimanches 28-29 mai. Deux jours d'activités gratuites. Vente trottoir, marché des artisans, place de la famille, animation urbaine, terrasse et spectacle. Ne manquez pas, le samedi soir 28, le spectacle de Ki Kuna, au parvis de l'église sur la rue Saint-Jean. Faubourg Saint-Jean en fête, les samedis et dimanches 28-29 mai, à compter de 10 heures. Programmation en ligne, faubourgsaintjean.com. Bonjour, ici Pascal Picot-Larouche de La Tourelle Orchestra et je soutiens CKIA puisque c'est la première radio qui nous invite quand on est un artiste local. Que c'est le premier poste qui passe la chanson francophone et qui nous inspire et fait découvrir du vieux stock comme du nœud ou du pas encore sorti. Soutenons CKIA plus que jamais en devenant membre, en faisant un don par Internet à ckiafm.org au 600 Côte d'Abraham ou par téléphone au 529-90-26. Ce mois-ci à la Ningassie. Jeudi 19 mai, en 5 à 7, Tamaran invite Matt Track. Vendredi 20 mai, soirée disco mobile avec DJ Funky Frankie. Vendredi 27 mai, venez encourager l'événement Rock Against Cancer, une pléiade d'artistes sunnistes pour la Société canadienne du cancer. Samedi le 28 mai, soirée rock and roll avec DJ Greco et invité. Et le jeudi soir de 21h, assistez à la Ligue d'humoristes de la Ningassie. 811 rue Saint-Jean. Jeudi 26 mai, soirée de financement pour un bateau d'aide humanitaire destiné aux civils de la bande de Gaza, assiégée par Israël depuis 2007. En compagnie d'Amir Kadir, député de Québec solidaire, et de Manon Massé, participante sur le bateau pour Gaza. L'événement aura lieu au grand salon du pavillon Desjardins de l'Université Laval. Venez danser avec DJ Booze et MC Francophile. Les billets sont en vente au coût de 25$ à la porte, à la librairie La Page Noire et au bar La Gité. Pour en savoir plus, téléphonez au 823-1159 ou bateaugaza.ca. Embarquez avec nous jeudi 26 mai dès 20h. Le collectif Éducation vous invite à écouter Hasta Siempre, un magazine sociopolitique réalisé dans le but de promouvoir l'éducation populaire. Entrevues, poésie, reportages, chroniques et la meilleure musique engagée des 5 continents. Le mélange parfait pour que la semaine commence en action. Tous les lundis à 19h sur les ondes de CKIA 88.3 FM. Allô, ici Martin Léon. Vous écoutez CKIA FM 88.3 à Québec. Tendez l'oreille, on parle de vous. Ça faisait au moins 2000 ans qu'on l'attendait, ce grand jour de vérité qu'on avait hâte. Je bois à vous, les gens honnêtes, et je bois surtout aux gens mauvais, grâce à vous autres. L'enfer est sold out. Oh oui, vous êtes de retour à la puissance maximale. Michael s'est fait avoir. Oui, oui, oui, j'ai pas vu qu'on revenait en onde. On parlait de Poutine. Alors, bon appétit à tout le monde. Alors, donc on va en actualité. Et t'as quelques nouvelles pour nous aujourd'hui, François. Actualité, donc... Et il paraît que le contenu de Viacom pour Netflix est en train de va bientôt expirer. Donc il y a beaucoup de contenu, les amateurs de Netflix, on en a souvent parlé. Donc il y a beaucoup de contenu qui va être éliminé de Netflix. Donc Netflix, on se souvient, c'est dans le fond c'est un outil qui permet de charger toutes sortes de d'écouter médias, des films. Des films. Pour tout ça, ça peut marcher avec toutes sortes de consoles de jeux. Et donc, c'est le contenu de la télévision, comme par exemple les canaux Comedy Central, MTV, Nickelodeon et d'autres. Tout ce contenu-là va disparaître de Netflix. Par contre, il faut faire attention parce que Netflix, régulièrement, ils ont des choses qui disparaissent, mais qui reviennent c'est par ça. Après. C'est juste le temps de renégocier. Moi, j'ai déjà vu des animés, entre autres, qu'il y avait une durée limitée, puis un mois ou deux après, sont revenus. Donc, ça ne veut pas dire que ça va disparaître de façon permanente. Ça arrive, mais la rumeur vient du fait qu'il y a beaucoup de stocks qui arrivent à expiration le 22 mai. Ça, c'était hier. Alors, c'est ça, c'est les gens ont l'air de dire, effectivement, c'est déjà arrivé auparavant et le stock est revenu, mais donc c'est possible, effectivement, que ce soit encore le cas, que ça revienne dans quelques jours, dans quelques semaines. C'est sûr que le pire scénario qui pourrait arriver, ce serait que le matériel disparaisse pour longtemps. Sinon, ben, la PSN, on en a parlé pas mal, donc ça devrait revenir online au Japon ce mois-ci. Donc, bon, à l'extérieur du Japon, il y a beaucoup de choses qui commencent à revenir dans le PSN. Sinon, au Japon, le gouvernement avait demandé d'attendre un petit peu pour avoir plus d'assurance que les critères de sécurité de Sony soient bonnes. Alors, ils mettaient un peu le Sony sur la touche en attente. Et il y a aussi des compagnies de cartes de crédit au Japon qui voulaient avoir plus d'informations de Sony. Ce qui arrive, c'est que les compagnies d'assurance au Japon sont responsables d'un cas où il y a une carte de crédit qui est mal utilisée, qui est utilisée frauduleusement. Bien, c'est les compagnies d'assurance qui sont responsables au Japon. Donc, il va s'assurer, dans le fond, qu'il y ait pas... Les compagnies d'assurance ou de crédit? Les compagnies les compagnies de cartes de crédit sont responsables. Et aux États-Unis, Sony a des assurances... Qui eux sont imputables, qui eux sont responsables, mais au Japon c'est pas le cas, c'est les compagnies de cartes de crédit. Alors eux aussi, le gouvernement japonais et les compagnies de cartes de crédit veulent avoir plus d'assurance. Et apparemment que Sony devrait donner des informations de cartes de crédit. Il y aurait 12,3 millions de numéros de cartes de crédit. Puis ça comprend les cartes de crédit au Japon et ailleurs dans le monde. Donc, c'est 12,3 millions de cartes de crédit à travers le monde que Sony possède. Et les compagnies de cartes de crédit aimeraient avoir ces numéros-là pour pouvoir surveiller s'il y a des fraudes. Alors, ils ne disent pas exactement quelle date exactement est-ce que la PSN va revenir au Japon. Et il semble que Sony ne soit pas très coopératif avec les compagnies de cartes de crédit pour une raison inconnue. Et ils ne veulent pas donner les numéros de cartes de crédit. Donc, ça inclut dans les informations que les compagnies veulent, c'est les noms et les numéros de cartes de crédit. Voilà. Ça, c'est pour la PSN au Japon qui n'est pas prête de revenir, mais ça devrait revenir en ligne ce mois-ci. Sinon, les tuiles ne sont pas finies pour la compagnie Sony. Il y aurait un cas de phishing sur un site web thaïlandais. Donc, un site thaïlandais de Sony qui aurait été hacké. Donc, c'est la compagnie de sécurité et d'antivirus F-Security qui a trouvé un site de phishing qui était actif sur un des serveurs de Sony au Thaïlande, en Thaïlande. Et apparemment que le site malicieux aurait été trouvé sur un site web de Sony sous le nom de hdworld.sony.co.th et apparemment que le site avait comme cible une compagnie de cartes de crédit italienne. Donc, Sony, malheureusement, qui n'est pas au bout de ses misères. Tout le monde semble les cibler de ce temps-ci. Il y a même des rumeurs qui sortent. La semaine dernière, il y avait une rumeur encore sur un piratage sur un autre site de Sony que Sony a rapidement démenti, d'ailleurs, là, disant que c'était des problèmes techniques qu'ils avaient chez eux, que c'était pas une attaque. Donc, effectivement... Là, les gens sont sensibles aussi, puis ils font attention. apparemment que l'accident en Thaïlande, ça n'aurait rien à voir avec le hack du PSN, le PlayStation 1 Network. Et par contre, la compagnie de sécurité dit que le site a été hacké encore, mais ils disent que l'attaque n'est pas vraiment très importante. Puis la compagnie a fermé le site. Alors voilà, la source était Slashdot. Donc voilà Sony qui se fait attaquer de toutes parts. Donc, sinon, sur d'autres niveaux d'actualité, puisqu'on parlait de Sony, je vais rajouter une autre nouvelle parlant de Sony. En fait, comme je parlais un peu plus tôt, Elle est Noire, jeu de Rockstar sorti la semaine passée. Malheureusement, il y aurait certains désavantages de jouer à Elle est Noire sur sa PS3. Il paraîtrait que la PS3 peut complètement griller au niveau d'un surchauffe, effectivement. Suite à la mise à jour de Sony, à la version 3.61, il y aurait des petits problèmes avec le moteur graphique de Rockstar, créant ainsi une surchauffe au niveau de la console. Est-ce qu'il est coupable, Rockstar ou Sony? Présentement, ils se lancent la pierre. Personne n'est encore décidé là, à savoir à qui va la faute. Par exemple, Sony a mis en place un programme. Si la console brise suite à une session de jeu d'Elle est Noire, il remplace la console et il travaille activement sur le problème pour le résoudre. Mais c'est quand même assez majeur là, pour qu'une mise à jour cause des problèmes comme ça. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose dans le codage du jeu qui, de base, n'était pas nécessairement optimal. Mais Sony ont aussi fait une mise à jour qui a causé le problème. Donc moi, je pense que c'est vraiment plus la faute est des deux côtés pour un manque d'optimisation du codage et une mise à jour qui n'ont pas regardé comme du monde qu'est-ce qu'elle faisait. Bon, ouais, ben effectivement. Mais c'est comme Rockstar ont dit pour se défendre, c'est quand ils ont fait les tests dans la version 3.60, il n'y avait pas ce problème-là. Fait qu'eux autres, ils disent que dans le fond, c'est de quoi dans 3.61 qui n'ont pas été mis au courant ou quelque chose comme ça qui aurait pu causer le problème. Heureusement, Sony, en tout cas dans ce cas-là, a réagi rapidement pour régler le problème. En tout cas, s'il y a des gens qui ont des problèmes avec leur console, ils disent sur leur site internet, sur le blog de PlayStation, d'appeler au service technique de chez PlayStation pour un peu arranger ce problème-là. Donc, peut-être attendre que la nouvelle mise à jour soit sortie avant de jouer sur le PlayStation à Elle est Noire pour pas prendre de chance non plus. Exactement. Sinon, sur toute autre actualité, allons voir le compétiteur. Parlons de Microsoft avec sa Xbox 360. Quand on parle de PlayStation qui grille, on connaît tout le fameux phénomène de la Red Ring de la Xbox 360. Il semblerait que Microsoft travaille sur une grosse mise à jour au niveau de leur firmware qui peut malheureusement briser votre console. Donc, il y aurait une certaine recherche qui aurait été faite au niveau de Microsoft. Ça se pourrait que vous ayez déjà reçu un courriel disant que votre console risque d'arrêter de fonctionner lors de la prochaine mise à jour. Ne vous inquiétez pas, Microsoft a mis en place un système de remplacement de console. En fait, on parle d'une mise à jour quand même assez lourde là, que certains périphériques là, dans les consoles de plus vieille génération risquent de pas endurer le stress d'une surcharge de travail ou quoi que ce soit. Si votre console brise ou encore quoi que ce soit. Suite à cette mise à jour, Microsoft vous recommande d'appeler au service à la clientèle et vont remplacer votre console gratuitement. Donc faites vos backups tout le monde. Oui, des backups. Ceux-là qui ont des disques durs, c'est pas tout le monde qui a des disques durs sont, en tout cas, du moins importants sur Xbox. Mais faites attention, assurez-vous que si jamais vous avez la mise à jour à faire, de peut-être prévoir. Ça pourrait sauter, donc faites pas ça la fin de semaine quand vous avez déjà prévu d'inviter du monde faire du gaming chez vous sur votre Xbox. Peut-être attendre l'autre fin de semaine d'après. Sinon, on va rejoindre notre ami Vincent Langlois qui est à l'étranger. Alors, justement, on va le rejoindre. Salut Vincent! Hey, salut les gars, ça va? Ça va super. Salut Vincent. Salut Vincent. Content de t'entendre. Excellent, super. Je suis en direct des îles Mouk-Mouk qui est bien... J'ai eu la chance. Savez-vous quoi? On parle de jeux. Puissance maximale, c'est l'émission. On parle toujours de jeux. C'est super intéressant. J'ai eu la chance de faire réparer une de mes consoles cette semaine. Et mon premier PlayStation 3. Imaginez-vous. Le fameux PlayStation 3 qui est mort à cause du firmware 3.01 ou quelque chose comme ça. C'est lui que Sony disait que c'était pas la mise à jour qui avait causé le problème. La 3.61, Vincent. C'est le 3.61? Exactement. Non, c'est son ancienne. Il parle de son ancienne console, Andrew. Ah! Alors, imaginez-vous que je suis allé dans l'illégalité, c'est-à-dire que j'ai fait ouvrir ma console par un petit monsieur réparateur de la région de Québec qui a bien fait sa job et mon PlayStation 3 première génération fonctionne à niveau avec la rétrocompatibilité et tout le reste qui vient avec. Donc, je suis un... hyper content de pouvoir jouer de nouveau aux jeux de PlayStation 1 et PlayStation 2 sur mon PS3. On espère qu'il n'y a pas de gens de Sony qui t'écoutent présentement, Vincent, tu pourrais te faire poursuivre. Ben, ils feront, d'ailleurs, d'une autre, j'aurais voulu bien les poursuivre, eux autres, de leur côté, parce que justement, ils sont certains que c'est leur firmware qui a fait que ça l'a pété. Il y a même également des jeux de... Je pense que c'est le Elle est Noire qui a fait péter quelques consoles également, dernièrement. Effectivement, avec la mise à jour du 3.61 là, que je parlais tout à l'heure. Donc, ben moi, en tout cas, je peux vous dire que si vous avez la chance, donc vous avez mis votre PlayStation 3 première génération de côté, puis vous pensez pas pouvoir la faire réparer, faites une recherche sur Google, marquez ça, réparation PlayStation 3, région de Québec. Vous allez tomber sur quelques réparateurs, dont un qui est pas très loin du boulevard Bourassa, et il pourra vous réparer ça pour pas très cher. Moi, je suis bien content. Ça m'a même permis en fin de semaine d'aller me racheter un bon vieux jeu, le fameux Grand Theft Auto Vice City que j'ai trouvé encore en version neuve, tout emballé. Félicitations, Vincent. Beau travail. Belle récupération. C'était toute une chronique de jeu. Hein. En fin de compte, ça me fait plaisir, messieurs, de vous parler, de vous avoir parlé aujourd'hui. On va sûrement se revoir bientôt et parler des développements de puissance maximale. C'est ça, à voir qu'est-ce qui va arriver exactement cet été. Tout peut arriver. Les gens qui veulent avoir être au courant, savoir qu'est-ce qui va se passer, peut-être puissancemaximale.com, ça va être la meilleure ressource. Merci beaucoup, Vincent. Tout à fait. Bonne fin d'émission. Merci, à la prochaine. OK, bye. Sinon, est-ce que vous aviez des nouvelles à ajouter, messieurs, ou on s'en va en surprise? Moi, j'aurais peut-être une dernière petite actualité. Je parlais tout à l'heure de nouvelles au niveau Japon. Je vous dirais là qu'au niveau de l'industrie de l'animation japonaise, il y a eu deux grosses nouvelles qui m'ont sorti là au niveau là qui m'ont tapé à l'œil un peu. En fait, le gros distributeur en Amérique du Nord, Funimation, a été acheté par des particuliers. Il y a eu une transaction qui a été faite. La compagnie, on savait qu'elle avait commencé à sortir de moins en moins de grosses franchises. C'était calmé un peu là quelque temps, autant point de vue des sorties que de l'implication dans les festivals nord-américaines. En fait, ça allait pas très bien pour Funny. Il y a eu une vente qui a été faite. Des particuliers ont racheté la boîte. On parlerait actuellement d'une grosse restructuration au niveau de Funimation et une revision complète des franchises là qui ont été achetées. Beaucoup de monde au niveau des fans commençait à critiquer Funimation à cause des prix des articles qui sortaient, puis en même temps les franchises, que c'était pas mal du gros n'importe quoi dans certains cas. On parlerait là que Funimation veut restructurer le tout, réoffrir une sélection de choix au niveau des fans, parce qu'il ne faut pas oublier, Funimation présentement est un des plus gros joueurs dans l'industrie de la distribution nord-américaine de l'animation, parce que malheureusement, des compagnies comme ADV ont fait faillite dans la grande crise économique qu'on a vécue, qu'on est encore dans la récession d'ailleurs. Donc, chose à surveiller, peut-être des franchises plus obscures qu'on avait à downloader avant parce que c'était jamais sorti en Amérique, peut-être que Funimation va se risquer à cette heure à les faire venir. Donc, à surveiller. Deuxième chose, au niveau plus vraiment Japon, comme j'avais déjà parlé lors d'une émission, malheureusement le tsunami a mis l'industrie de l'animation au ralenti au niveau là de la production de nos séries préférées. On parlerait malheureusement d'un ralentissement encore plus long que prévu au niveau de la reprise au niveau des séries. Il y en a malheureusement plusieurs qui ne reverront pas le jour. On parle comme exemple je me rappelle pas du nom parce qu'il est trop long, mais il y avait une série qui avait très bien marché là, qui avec des Magical Girls, qui avait malheureusement des morts, puis c'était encore tout plein, le monde aimait ça. Mais la série a fini abruptement à cause du tsunami. On parlait peut-être d'une deuxième saison. Il n'y aura pas de deuxième saison. Il y avait High School of the Dead qui avait parlé peut-être de faire une deuxième saison parce que le manga se rend plus loin. On ne parle plus de deuxième saison. Il y a une dizaine de grosses franchises de dessins animés japonais qu'on s'attendait toutes à une autre saison, mais malheureusement là, c'est fini. Les compagnies ont pas assez d'argent pour acheter des droits puis de faire une suite à ces autres productions. Donc, ou ça en même temps, pour conclure, une autre série qui a été retardée, Evangelion 3.0, que tout le monde attend dans les fans d'Evangelion au niveau du film. C'est un film qui reprend, qui est un remake là, de la série originale avec des nouveaux personnages. On refait le graphisme, on fait un storyline qui est un peu altéré là, par rapport au storyline original. C'est ça, il en restait deux films au niveau de leur projet de remake. Il y avait des années, du moins au niveau des dates de sortie. 2011, on était supposé de voir le 3.0. Malheureusement, les deux dates ont switché à To Be Announced, à savoir est-ce qu'on va les voir un jour? Probablement. Mais on peut parler d'un délai d'attente beaucoup plus long là, qu'on avait de planifier. Donc, les tsunamis, ça fait mal à l'industrie de l'animation. Faudrait qu'il y en ait le moins possible. All right. Sinon, c'est voilà pour l'actualité ludique. Merci, Andrew. Et puis sinon, on va arriver vers une surprise, je pense. Oh! Oh! Oh! Des bonnes surprises. On aime ça, ce genre de surprise-là. Donc, qu'est-ce qu'on a en cadeau à vous offrir, messieurs, dames? On a toutes sortes de choses. On a des posters, trois posters de jeux. Un sur Crysis 2, l'autre sur le jeu s'appelle... Ouh, j'ai un blanc de mémoire moi aussi, mais François... Brink, c'est des beaux posters, des beaux c'est vraiment posters. Ouais. Et sinon aussi, on a des jeux à donner. Ben en fait, Lord of the Rings Online... Le jeu qui est gratuit, par contre, c'est les CD avec la majorité des dernières mises à jour. Donc, pour éviter peut-être une dizaine de gigs de download, quelqu'un qui est intéressé, on vous donne le jeu. Puis aussi, on a des trucs à donner pour le jeu de rôle League of Legends, des contenus téléchargeables. Alors voilà, 529-9026 pour gagner tout cela. Sinon, on va écouter encore un début d'émission avec le suivi d'une pièce. À la demande d'Andrew, on va écouter justement l'intro de Pac-Man Maximal. Écoute, encore une fois, j'ai pas écouté. Qu'est-ce que ça a donné? On va découvrir ça ensemble. Et c'est le premier intro que Andrew a fait, sa première émission, on pourrait dire officielle. La première émission, la première intro, puis la dernière que j'ai faite. C'était le 12 avril 2010. Oh là là! Hommage à Pac-Man. Comment as-tu pu faire ça à tes propres enfants? Quoi? De quoi tu parles, poupée? Hier, au match de hockey de ton fils. Quoi? Hier soir? Tout est embrouillé dans ma tête. Tu t'es mis à poil en attendant Dancing Queen. Pas vrai. C'en est assez. Et dire que ça faisait 8 mois que tu n'avais pas vu tes gosses. Écoute, poulette. Je suis vraiment désolé. Je sais pas qu'est-ce qui m'a pris. C'est cette maudite drogue qui te gruge. Ben non. Depuis que tu prends tes pilules blanches, tu n'es plus le même. Mais non, ma chérie, laisse-moi t'expliquer. Non, ça va faire. Maintenant, je te quitte, Pac-Man. Mais chérie... On va écouter Non-Fight... de Paul and Storm. Ladies and gentlemen, we present our title bout for the evening. In this corner, weighing in at 114 pounds, by way of the Sisters of Our Lady of the Immaculate Right Cross, with a record of 23-1, with 15 knockouts, 3 TKOs, 2 decisions, 3 conversions, and 1 exorcism. The High Priestess of Penance, the Pounding Penguin, the Assassin of the Passion, the Stinging Nun, and the Roman Catholic Wrecking Ball. From Dublin, Ireland, Sister Mary Catherine, the habit breaker in Violata. And in this corner, weighing in at an even 82 pounds, by way of the Order of Saint Adelaide of Perpetual Confrontation, with a record of 66-6, with 1 disqualification for using a ruler, the Vatican Vixen, the Pontiff's Pitbull, the Original Sinner, the Homicidal Bride of Christ, the Assaulter from the Altar, the Nundertaker, and the Mother Superior of Kicking Posterior. From Mexico City, Sister Maria Teresa Garcia Graciela Aguilera Delgado Francisco Diego Arroyo Inigo Montoya Zapata Paquito El Guapo Abuelita de la Boom Boom Mendoza. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti, now let's get ready to rumble. Bonjour. Bonjour, je m'appelle Isaac. J'aime beaucoup Maximal Sumo. Fin. Maximal Sumo, qui était en fait un jeu de plateau qu'on trouvait à l'intérieur d'un fanzine. Au début, quand il y avait un fanzine à puissance maximale, qui est téléchargeable encore sur le site internet de puissancemaximale.com. Ben, c'est probablement le meilleur jeu qu'on a sorti dans le fanzine. D'ailleurs, j'invite les gens à aller se le procurer. C'est vraiment un jeu qui joue avec un D6. Et c'est un, le thème, c'est un sumo. Il faut faire sortir le dé de l'espace, là, du, comme dans un jeu sumo pour vrai. Là. En tout cas, le, au lieu d'être un sumo, ben, obèse, ben, c'est un D6. Des heures et des heures de plaisir. Sinon, vers quoi qu'on se dirige? On se dirige avec Michael qui veut nous parler d'un sujet très important, d'un sujet qui lui tient à cœur. Oui. Ben, pour les habitués de Puissance Maximale et qui connaissent un peu mes chroniques, le genre que je fais, je touche souvent à l'histoire, ou bref, au contexte historique des jeux, des mangas. Où on a parlé l'autre fois aussi des Borgias, un peu là, en parlant de Game of Thrones. Donc aujourd'hui, on va vous parler finalement, on va discuter de l'histoire au cinéma et dans les jeux vidéo. Est-ce que c'est seulement un prétexte pour développer des jeux, pour vendre des jeux ou des films, ou c'est où ça peut vraiment servir, ou est-ce que nous, les fans ou les amateurs d'histoire, est-ce qu'on doit rester un peu sur nos positions puis vouloir de l'exactitude historique dans nos films? Absolument. Moi personnellement, je peux débuter un peu en disant que moi personnellement, dans les jeux, ça me dérange moins, parce que comme je disais à François tantôt hors d'onde, c'est que dans les jeux, c'est une convention pour tout le monde de savoir que c'est de la fiction, qu'on est devant quelque chose qui sort de l'imaginaire des scénaristes, des concepteurs de jeux vidéo, puis on va s'insérer dans un nouvel univers finalement. On va se servir parfois très habilement, comme dans Assassin's Creed entre autres, d'un contexte historique, des personnages historiques qui ont pas fait peut-être ce qui s'est passé justement dans Assassin's Creed. Est-ce que Léonard de Vinci a vraiment développé des armes pour une confrérie d'assassins? Je ne crois pas, mais c'est quand même une belle utilisation des personnages historiques, tandis que dans d'autres, on veut utiliser peut-être des trucs plus péjoratifs ou un peu des mythes historiques, comme on peut parler entre autres des Spartiates. Il y a tout le temps un jeu où on voit encore les Spartiates comme étant les soldats les plus forts de la Grèce antique, alors que c'était pas totalement ça, c'était autre chose aussi, les Spartiates. Pour le jeu vidéo, c'est mon point de vue. Côté cinéma, par exemple, je suis un peu plus puriste dans mon histoire, parce que au cinéma, j'ai l'impression qu'on n'est pas honnête avec les cinéphiles. On va pas leur dire, regardez ici, c'est une représentation historique de ce qui s'est passé, de ces événements-là. On veut représenter quelque chose de fidèle, ou on veut se servir du contexte pour instaurer un scénario qui se tient plus ou moins. Je trouve qu'on n'est pas assez clair. Ça fait que les gens qui sont pas connaissent pas l'histoire ou s'y intéressent moins... Ils vont prendre ça pour du cash. Ouais, c'est ça. Ils vont prendre ça pour du cash, puis ils vont prendre ça pour être les vrais événements historiques, alors que souvent c'est pas le cas. Effectivement, il y a une série, entre autres, j'ai écouté sur Netflix, qui était The Tudors, qui parlait d'Henri VIII. Très bonne série, jusqu'à temps qu'on s'en va voir après ça sur Internet, sur Wikipédia, puis on se rend compte que qu'est-ce qu'il raconte là-dedans, c'est pas tout à fait qu'est-ce qui s'est réellement passé. Oui, c'est une très bonne série, j'ai adoré, mais une fois que j'ai appris vraiment qu'est-ce qui s'était passé, j'étais un petit peu déçu de la série à ce moment-là. Parce qu'ils n'ont pas compté la vraie histoire. Ils ont interprété des affaires. Ils ont changé des personnages parce que ça allait moins bien à la télévision. Pour des séries historiques, je trouve ça plus tannant. On peut comprendre. Là, on avait parlé l'autre fois des adaptations de romans, là, qu'on parlait justement de Game of Thrones. On peut comprendre les besoins de l'industrie télévisuelle, de l'industrie du cinéma, pour qu'il y ait des choses qui se vendent plus ou moins bien à l'écran. Mais en même temps, quand on décide de choisir un contexte historique, comme entre autres les Tudors, avec Henri VIII. Henri VIII, d'ailleurs... J'invite les gens à se promener sur Internet pour trouver des représentations d'Henri VIII. Là. Ça ressemble pas du tout à l'acteur qui joue Henri VIII dans la série. Henri VIII était obèse. Surtout vers la fin de sa vie. Oui, mais... c'est ça, pendant une partie de sa vie. Puis il ressemblait vraiment pas à l'acteur qui le joue. À la limite, c'est pas très, très grave. Mais encore, tu sais, il faut... Il a changé des faits historiques. C'est ça qui est pas intéressant. Qui a enlevé, genre, une de ses filles... Oh, je ne me trompe pas, c'est une des mères, Marie. Je pense qu'il y a deux filles qui s'appelaient Marie. Du moins, il y a eu deux enfants qui s'appelaient Marie à un moment donné, puis ils l'ont enlevé une de la série parce que c'était il y avait deux mairies en même temps, fait que ça marchait pas, là, ça venait mélangeant. Mais des fois, c'est ça, il faut être conscient qu'on représente quelque chose qui s'est réellement passé. On a beau vouloir faire des séries télévisées, on a beau vouloir vendre un produit, mais il faut être honnête avec les gens, puis même si, effectivement, le personnage d'Henri VIII n'était pas l'homme sexy et qu'on représente dans la série, ben ça a quand même été un monarque important de l'Angleterre de cette époque-là, qui est le père de Bloody Mary et d'Élisabeth Ier. Je veux dire, deux autres personnages très importants de l'histoire anglaise. Puis on va un peu chambouler cette histoire-là pour des raisons de scénario. Ça, c'est un des exemples à la télé où on a ces problèmes-là. Encore là, on peut parler des Borgias aussi. J'ai parlé il y a quelques semaines là, quand on parlait de Game of Thrones. On a encore une fois représenté le premier fils de Rodrigo Borgias qui était lui aussi dans l'église, qui couchait avec sa sœur, qui a une affection, tu sais, des trucs d'inceste, puis ça n'a jamais été vraiment prouvé historiquement. C'est des rumeurs qui se sont promenées au cours de l'histoire, mais c'est sûr qu'il faut choisir une version justement de ces faits historiques là parce que de toute façon entre historiens souvent sur différents sujets de l'histoire, ouais, ben, ils peuvent pas s'entendre, hein. C'est ça, on s'entend, il y a encore des choses sur lesquelles on s'entend pas. Il y a même des trucs très, très extrêmes. Quand on parle de la Deuxième Guerre mondiale, on parle du révisionnisme, entre autres. Là. Ça peut aller jusque-là. Donc, il y a toujours des querelles d'historiens, des fois plus importantes selon les périodes. Mais effectivement, il faut choisir quand on va faire une œuvre, que ce soit un roman, un film, une télésérie. C'est sûr qu'encore une fois, on peut parler de budget. En fait, toi, ce qui était vrai, Michael, dans le fond, si je te suis bien, c'est que dans le fond, que ce soit plus clair pour les films, en tout cas, que ce soit peut-être indiqué au début du film. Adaptation. Une adaptation. Ceci est inspiré de la, ouais. Tu sais, je veux dire, des événements, mais il s'agit. On l'a toujours, ce petit message-là. Il faut être clair. À la fin des génériques, n'oubliez pas que ce sont des personnages de fiction inspirés d'eux. Mais, encore une fois, on nous le présente, quand on nous présente les bandes annonces, l'histoire de tel personnage, puis on nous envoie ça comme étant ce qui s'est vraiment passé. Je trouve que c'est malsain un peu, même si on a des petits avertissements légaux à la fin des génériques. Le monde souvent au cinéma ne reste pas jusqu'à la fin des génériques. Il faudrait l'annoncer au début du film, en l'introduisant justement dans le générique de début pour que ça soit clair, pour que les gens comprennent. Si on n'est pas prêt à assumer un peu la perspective historique de ces événements-là, ben il faut que ça soit clair. Faut pas oublier aussi que les gens qui écoutent ces séries-là, surtout les films, puis là on parle de séries en ce moment, quand ils écoutent de quoi, ils prennent pour acquis que c'est la vérité. Ils vont pas nécessairement aller lire ce sujet par après. C'est peut-être peut-être une lacune de la part des personnes à ce moment-là, mais moi, quand j'écoute un film historique, je m'attends d'avoir la vraie histoire. Je m'attends pas d'avoir une adaptation, ouais, qui rajoute des affaires, oui, sur des faits qui sont nébuleux, qui sont pas trop sûrs quelle version. Je peux comprendre, mais quand ils changent carrément l'histoire sur des faits qui sont très établis, c'est là que ça vient me chercher à ce moment-là. Oui, c'est ça. Je veux dire, en même temps, c'est sûr que les gens, mais moi, je connais de plus en plus de personnes que ça les incite à aller sur Internet se renseigner quand on va lire une bande dessinée à saveur historique ou peu importe ce qu'on va voir. C'est vrai que ça suscite la curiosité. C'est ce qui m'a amené surtout à regarder des trucs historiques, c'est justement d'aller vérifier, d'être pointilleux puis d'aller voir si c'est vraiment ce qui s'est passé. Mais un autre aspect, c'est pas juste, on parle pas juste de films, on peut parler de certains petits éléments qui peuvent accrocher. On parle d'anachronisme aussi dans certains. Soit involontaire pour des raisons de problèmes lorsqu'on a filmé entre autres le film. On peut penser à Gladiateur là, de Ridley Scott, qui avait eu des critiques où on voyait dès le début du film un technicien en jeans qui ramenait un cheval pendant qui était en ligne au début du film. Ça a été dans les éditions suivantes il a été coupé, mais je me rappelle l'avoir vu la première fois que j'avais écouté le film. Je fais OK. Comme dans le vieux film de Ben Hur, je me trompe pas, qu'il y a un avion dans le ciel et quelqu'un qui a une montre à un moment donné. Oui. Bon, ils l'ont échappé lors du montage, tout ça. Bon, c'est plus des problèmes techniques. Mais il y a des trucs qu'on parle de costumes, entre autres. Des fois, ça peut paraître pointilleux, mais pour les gens qui s'y intéressent. Ouais, c'est pour les puristes. Là. Autant pour les puristes que juste les gens qui connaissent légèrement un peu cette période-là, ça peut être un peu agaçant. Entre autres, on parle à chaque fois qu'on voit, disons, un film sur l'Empire romain, la période romaine, on va tout le temps voir, disons, les soldats avec le même type d'armure, tandis que ces armures-là sont arrivées très tard dans l'histoire de l'Empire romain. Ça peut paraître un peu un détail, mais Je continue à dire que quand on veut s'efforcer de faire un film à saveur historique, respectons tous les aspects de cette période-là. C'est pas parce que c'est plus vendeur d'avoir un gars avec un chapeau, avec une crête sur la tête, que c'est ça qui s'est passé. Puis, mais il y a des exemples, par exemple, qui sont flagrants. On peut parler du film 300, qui est tiré, puis c'est expliqué, c'est clair ça, que c'est tiré d'une nouvelle graphique, c'est tiré d'une bande dessinée, puis c'est une adaptation d'une légende. C'est assez clair. On est rendu à la quatrième adaptation d'une légende. Oui, c'est ça. Mais c'est clair qu'on va voir le film, on le sait, c'est une adaptation de bande dessinée, puis on sait pertinemment déjà que ce qui s'est passé là, ça s'est passé, les événements de 300, mais il était peut-être pas juste 300 spartiates contre l'armée perse au complet. Il y avait plus de gens qui se sont effectivement servis d'un avantage de terrain pour un peu saper le moral de l'armée perse. Effectivement, c'est ce qui s'est passé avec le roi Léonidas pendant la deuxième guerre médique. Mais je veux dire, il y avait pas de loup géant qui avait de la lumière dans les yeux, il y avait pas de femmes qui flottaient dans les airs pendant qu'ils faisaient des oracles. Je veux dire, c'est clair. Ça, au moins, ça a le mérite d'être clair, mais ça peut malgré tout entretenir certains mythes, dont le mythe du Spartiate invincible là, dont on parlait plus tôt un peu dans la discussion. Puis aussi les jeux vidéo, là, comme qu'on parlait, parce qu'on parle aussi des jeux vidéo. Moi, dans le cas des jeux vidéo, je les vois moins comme une adaptation historique comme les films. Parce qu'un film, c'est une histoire, ça change pas. L'histoire est au cinéma, t'as pas d'interaction dedans, tandis qu'un jeu, c'est interactif. C'est un petit peu comme lire un roman puis une partie de jeu de rôle. Il y en a un que tu lis, c'est comme ça. L'autre, c'est interactif. Les choses changent. C'est la même chose pour, disons, Assassin's Creed. Oui, on est basé sur certains faits historiques, mais tu peux pas suivre l'histoire à la lettre, parce que sinon, t'aurais pas un jeu. Tu paierais pour voir un film sur ton ordinateur. Qu'est-ce que c'est pas, là? Dans ce cas-ci, moi, je connais pas vraiment de jeux qui sont historique à 100%. Ils peuvent avoir un contexte historique, exemple des jeux de combat dans l'époque de Napoléon, peu importe, de la Deuxième Guerre mondiale. C'est inspiré de, mais tu peux pas avoir, c'est pas une représentation historique non plus dans ce cas-là. Non, il y a des trucs qui peuvent être plus historiques parce que ça demande un peu moins d'importance dans l'implication du joueur, entre autres les Call of Duty. Je veux dire, on est un soldat parmi tant d'autres pendant les batailles qui se sont passées sur les différents fronts de la Deuxième Guerre mondiale. Là, c'est quelque chose d'intéressant parce qu'on on est face à des situations qui se sont réellement passées. On a des briefings qui vous expliquent ce qui s'est passé. On voit l'équipement de l'ennemi, le nôtre. On peut ramasser l'équipement. Les costumes sont vraiment des choses d'époque, là. Ils ont pris des images, les tanks, les avions. C'est qu'est-ce qu'il y a d'époque, là. Ils n'ont pas pris quelque chose d'autre qui venait de la Première Guerre mondiale puis l'ont mis dans la Deuxième. Ils ont vraiment pris des choses de la Deuxième pour faire un jeu basé sur la Deuxième. Ils n'ont pas importé des choses de d'autres époques, là. C'est ça. Il y a des jeux qui demandent moins d'implication, un peu que les actions du joueur vont pas vraiment influencer le cours général de cette histoire-là. Donc, entre autres, ces jeux-là. Puis des fois, des jeux comme on a Shogun Total War, des trucs du genre de simulation de combat qui peuvent être très intéressants à ce niveau-là. Ben justement, Shogun Total War, une chose qui est intéressante, c'est que pendant les loadings, ils parlent justement des événements qui se sont vraiment passés. Puis, tu sais, c'est justement à l'époque des empereurs au Japon, tu sais, avant même l'époque des samouraïs, là, qu'on connaît avec les romans ou les films, là, qu'on a à TV. Là, c'était vraiment à l'époque où le Japon, c'était une guerre interne de territoire entre différents clans, tu sais, où que, tu sais, c'était pas vraiment des grosses villes où tout le monde vivait heureux, c'était vraiment clan par clan, là. C'était très intéressant à ce niveau-là. Puis, j'ai appris beaucoup sur le Japon là-dessus. Puis, un autre jeu aussi qui a beaucoup d'inspiration historique, c'est les jeux de civilisation. Donc, c'est un jeu qui est vraiment historiquement ne se tient pas debout parce que là, moi, j'étais un grec, puis genre, je construit la statue de la liberté, là, ça marche pas, mais c'est un jeu qui s'inspire justement de l'histoire pour amener des choses dans le jeu, puis côté graphique, les images qui sortent des fois, certaines versions qui avaient des petits vidéoclips à ce moment-là, c'est quelque chose qui est intéressant, mais c'est pas un jeu qui est historiquement fidèle non plus, mais il s'en va chercher l'histoire de partout. Mais d'ailleurs, dans la civilisation, il y a l'encyclopédie aussi qu'on peut aller consulter, où on a vraiment l'histoire de tous les bâtiments qu'on peut construire, puis les événements là, qu'il y a eu dans l'histoire. C'est très intéressant pour ça aussi. Oui. Puis les dirigeants, on a l'histoire de chacun des dirigeants, les personnages illustres qui apparaissent. C'est ça, dans l'industrie du jeu, de la bande dessinée, entre autres, c'est dans le manga, on a de plus en plus de gens qui sont consciencieux, qui vont mettre ces détails-là, qui sont facilement... vous pouvez les consulter facilement dans le jeu ou à la fin des bandes dessinées. C'est sûr que dans les films, c'est plus difficile. C'est impossible à faire. On peut pas demander aux gens d'arrêter le film, disons au cinéma, puis d'aller vérifier les faits, d'aller voir ce qui s'est réellement passé. Mais Je sais, c'est un aspect intéressant. Puis de plus en plus de concepteurs de jeux sont un peu allumés là, face justement à l'exactitude des faits. Genre, Civilization, on le sait, c'est assez clair là, qu'on va jouer à Civilization. C'est pas ça qui s'est passé parce que c'est nous qui prenons un peu en charge là, la ligne du temps. Mais effectivement, l'industrie s'ouvre de plus en plus à ça, un peu à cette clarté-là. Au cinéma, est-ce qu'on doit. Ridley Scott, c'est un des réalisateurs qui touche beaucoup justement au truc historique. Moi, j'aimerais beaucoup, c'est peut-être. Il dit qu'il fait beaucoup de trucs de recherche historique, mais c'est dans sa réalisation aussi qu'il devrait faire attention. Puis dans ses scénarios, il y a des choses que des personnages peuvent faire dans certains films historiques qui ne se seraient pas fait à cette époque-là. Il faut aussi être conscient des mœurs et des contextes sociaux de ces périodes historiques-là avant de faire un film, puis de faire des choses aux personnages qui ont plus ou moins rapport avec les mœurs de cette époque-là. C'est bon, donc en conclusion, on pourrait dire plus de respect de l'histoire dans les films, peut-être? Mais okay. Certainement, écoute, moi je n'attends que ça, mais malgré ça, je vais quand même voir les films au cinéma, et je les apprécie malgré tout pour leur côté divertissant. Super, donc merci Michael. On va écouter une pièce, qu'est-ce qu'on va écouter? On va y aller avec une pièce de Michael encore? Ben, en fait, moi je vais vous proposer quelque chose d'humoristique un peu qui vient de l'artiste Fatal Bazooka, en fait de son vrai nom Michael Youn, qui est un humoriste français qui, je pense, qui va sortir un autre album sous le nom de Fatal Bazooka. C'est du rap humoristique pas au sérieux, puis c'est pas très propre, alors on va aller écouter J'aime trop ton boule. C'est une chanson pro-gay, puis on va saluer justement nos gens d'homologues qui suivent l'émission. Alors, voici Fatal Bazooka. Oui. Juste avant, on parlait d'histoire. Ben, on va écouter justement l'introduction de l'émission du 6 septembre 2010 de Puissance Maximale. C'est une émission qui s'appelait Puissance Mon Calme. Oh. Alors, ça va avoir rapport avec ça. Encore une fois, je ne l'ai pas écouté avant de la faire jouer. Faut qu'on redécouvre ça ensemble. Dernière émission de Puissance Maximale de la saison. Québec 1789. Ah ouais, mon Cam. Non, pas tout de suite. Les Anglais sont juste là. Je le vois bien, chérie, mais ce n'est pas le moment. On peut quand même pas y laisser entrer. Pourquoi se presser? Je me sens plus à l'aise assiégé qu'à découvert. Non, mais tu m'as-tu vu le désordre? Avec toutes les bombes, il y a de la poussière partout. La rue Saint-Jean, c'est une vraie soie à cochon. Tu peux pas recevoir des invités comme ça. Je t'assure, je me serais bien passé de cette visite. Mais maintenant qu'ils sont là, à moindre des choses, monsieur le marquis, c'est de les accueillir comme il faut. Non, mais es-tu mal élevé? Mais c'est moi le général. Non, mais t'as-tu vu la fraise? T'es toute mal propre, là. Viens t'en ici. Quoi t'as changé? Sinon, je te fous un coup de balai. Écoute, chérie, s'il te plaît, j'essaie de me concentrer. C'est le sort de l'Amérique française qui en dépend. C'est ça, oui. Paraît sûr, tu veux juste faire ça pour pas prendre ton bain. Bon, vous savez, j'en ai marre. Réunissez les hommes. On sort! Ouais! Ce soir, j'arrive dans le club en mode chacal. Ce soir, dans le club, ça va être bestial. J'te repère au milieu de la piste. Comment t'es magnifique! Salut, bote, moi c'est Original Gangsta! Authentic Lover! Tu danses, bébé? Ça va être chaud! Dis, c'était bien moulé dans ton petit jean. J'aime trop ton style quand tu te dandines. Ouais, franchement t'es au top, t'es trop sublime. Tiens chez moi, on boira pas de la grenadine. Si t'es pressé, on fait ça sur le parking. Si t'es pas pressé, faut que je passe au pressing. Je vais te démonter comme une tente de camping. Ce sera tellement chaud, on va passer aux zappings. Si je te fais trop mal, à côté y'a une clinique. Si tu veux du monde, on peut faire ça en public. Ouais, je garde mes chaussettes, je trouve ça plus pratique. T'avais prévenu, je suis un grand romantique. Quand je te match, j'ai vraiment trop les boules. Quand je te tâche, je peux plus jouer au boule. Quand tu veux, je t'attrape, quand tu veux, je te boule. Tu sais, t'es un beau mal, tu sais que t'as un beau boule, mec. T'es trop mon style, t'es trop mon style, t'es trop mon style de mec. J'aime trop ton boule, j'aime trop ton boule, j'aime trop ton boule de mec. T'es trop mon style, t'es trop mon style, t'es trop mon style de mec. J'aime trop ton boule, j'aime trop ton boule, j'aime quand tu bouti sec. J'aime quand tu shakes ton bouti, mec. J'aime quand tu bouti sec. J'aime quand tu shakes ton bouti, shake, shake, shake. J'aime quand tu shakes ton bouti, mec. J'aime quand tu shakes ton booty. dans mon chiffre d'être mon chiffre de mec, mec. Vas-y, laisse-moi toucher tes pecs, mec. Dans mon body, c'est le plan sec, sec. T'as besoin d'argent, je peux te faire un shake, shake. Toi et moi, ce sera brocasse mentale. J'aime trop ta soeur, j'aime trop ton haleine. Je veux que tu me fasses du mal sans me faire de peine. Tu peux même me gifler, me mettre une golden. Je veux pas savoir ton nom, je m'en fous, je suis pas flic. Puis ton matos, je t'appelle Mobilodic. T'es bien bâti, boy, comme une Honda Civic. Je serai Angelina et tu feras Brad Pitt. Moi, je veux te mater, je t'appelle pas l'halogène. Tu peux mettre une perruque, tu peux m'appeler Madeleine. Même si je suis un peu gros, si j'ai un peu de bedaine. Tu vas voir, même en blonde, je suis pas si vilaine. T'es trop mon style, t'es trop mon style, t'es trop mon style de mec. J'aime trop ton boule, j'aime trop ton boule, j'aime trop ton boule de mec. T'es trop mon style, t'es trop mon style, t'es trop mon style de mec. J'aime trop ton boule, j'aime trop ton boule, j'aime quand tu booty shake. J'aime quand tu shake ton booty mec. J'aime quand tu booty shake. J'aime quand tu shake ton booty shake, shake, shake. J'aime quand tu shake ton booty mec. J'aime quand tu booty shake. J'aime quand tu shake ton booty shake, shake, shake ton booty. J'aime viril, cherche mon docile. Et quel genre de mal. 25 ans du sexe à pile, c'est quoi l'idéal? 25 centimètres pile, est-ce que tu as des poils? Tous les jours je m'épile et je m'appelle Fatal. Ouais mec. Ouais, allez tous les mecs, check leur booty là. Oh ouais, vas-y bébé, bouge ton boule, t'es beau mec. Allez tout le monde, les bruns, les blancs, les sauves, les roux. Non, pas les roux. Check ton booty. Ah, je suis en sueur. Vous êtes tous mon style de mec, les mecs. T'es trop mon style, t'es trop mon style, t'es trop mon style de mec. J'aime trop ton boule, j'aime trop ton boule, j'aime trop ton boule de mec. T'es trop mon style, t'es trop mon style, t'es trop mon style de mec. J'aime trop ton boule, j'aime trop ton boule, j'aime quand tu booty shake. J'aime quand tu shake ton booty mec. J'aime quand tu booty shake. J'aime quand tu shake ton booty shake, shake, shake. J'aime quand tu shake ton booty mec. J'aime quand tu booty shake. J'aime quand tu shake ton booty shake. Ich bin Friedemann Friese und Sie hören Puissance Maximale. Et oui, plus que 15 minutes avant la fin de cette émission spéciale de Puissance Maximale. Juste quelques instants pour parler peut-être un jeu de plateau que j'ai acheté récemment qui a attiré mon attention. C'est le jeu Onirim du créateur Shady Torbay. Et je sais de où est-ce que je me rappelle de ce nom-là. Il l'avait dans le jeu de rôle de Rêve de Dragon, Onirim, ah, qui oui. était le monde des rêves. Donc, c'est probablement de là que j'ai tiré. Ça me disait quelque chose. Ça vient du monde des rêves, effectivement. Bon, premièrement, c'est un jeu de cartes. Effectivement, oui, ça se passe dans le monde des rêves. C'est un jeu qui se joue entre un et deux joueurs. C'est environ 15 minutes. Et c'est 8 ans et plus. Et c'est un jeu coopératif. Alors, c'est extrêmement intéressant pour ça. Bon, je cherchais un jeu comme ça pour jouer avec mon épouse, là, un jeu tranquille, un jeu qu'il n'y a pas de mitraillette et d'explosion de napalm. Pas trop compliqué, simple et c'est assez agréable. Simple en plus, puis effectivement, c'est un jeu qui demande pas, qui est pas compliqué du tout. C'est même pas nécessaire d'apprendre, de connaître le français pour pouvoir jouer, ça vous donne une idée. Alors, le jeu, c'est un jeu de cartes, je rappelle. Le but, c'est de se promener à travers un rêve. Et de vaincre les cauchemars pour pouvoir trouver toutes les portes pour sortir du rêve. Le but du jeu, c'est de trouver les 8 portes qui représentent, dans le fond, les 8 cartes. Comment ça marche? C'est qu'on met nos cartes devant nous, et puis là, il faut faire une... On se promène dans le labyrinthe. Donc, sur nos cartes, il y a des pièces et il y a des cauchemars. Le but, c'est de mettre 3 pièces de la même couleur côte à côte pour pouvoir ouvrir la porte qui correspond à la même couleur. Donc, chaque pièce, dans le fond, représente, dans le fond, une pièce du rêve. Et là, évidemment, on retourne les cartes au fur et à mesure qu'on avance dans le rêve. Mais, évidemment, qu'est-ce qui vient nous nuire? C'est les cauchemars, qui sont en fait des gros monstres qui viennent nous nuire. Ils viennent, en fait, manger des cartes. Ils viennent manger des clés. Et le but du jeu, dans le fond, c'est de trouver les 8 portes avant la fin des cartes. Dans le fond, le paquet de cartes représente dans le fond le sablier, en quelque sorte, du jeu. Alors, si on passe à travers le paquet de cartes et qu'on n'a pas trouvé les 8 cartes, on a perdu. Alors, voilà Onirim, distribué par Philosophia. Ça se trouve chez TPM au Guéret de la Capitale. Et en anglais, pour l'instant, la version française va venir un peu plus tard. C'est une des parties de combien de temps environ, François? C'est marqué 15 minutes, c'est environ ça, c'est très court comme jeu. Et ça joue tout seul aussi. Si vous voulez jouer tout seul, des fois c'est le fun de jouer à solitaire, mais maintenant on a fait le tour. Il y a de plus en plus de jeux qui sortent comme ça, où on a la possibilité de jouer tout seul à la maison. Ouais, de plus en plus. Ça joue très bien. Des fois, on peut être sceptique, là, mais non, c'est des jeux Qu'est-ce vraiment... Qu'est-ce que j'aime des jeux qu'on peut jouer tout seul? Souvent, ça permet à quelqu'un qui s'y connaît plus d'apprendre les règles pour pouvoir le montrer aux autres. Entre autres, Arkham Horror, qui est de 1 à 8 joueurs, que j'ai parlé tantôt, on peut l'essayer tout seul pour commencer à comprendre les règles de base avant de tenter de jouer avec 6 autres personnes et qu'on soit mêlé, que ça prenne 6 heures à faire une partie qui aurait dû en durer 2. Et aussi, ce que j'ai oublié de dire, c'est que c'est un très beau jeu aussi. C'est important des fois que le jeu soit beau. Les cartes sont bien illustrées, c'est des belles illustrations. C'est un beau jeu, c'est un jeu qui est cute. Dessiné, je pense, à la peinture à eau. Et aussi, un autre truc important, c'est qu'il vient avec 3 expansions. Donc, si vous avez fait le tour et que vous êtes tanné, ben, vous avez encore 3 expansions pour agrémenter le jeu et rendre le jeu plus difficile parce que de base, il est très facile. Il était à quel prix? C'est très, très peu cher. Ça, je pense que ça m'a coûté même pas 15$. Ah. Donc, un jeu de cartes Onirim. Sinon, un autre jeu rapidement, on a le temps, qui joue tout seul aussi. C'est le jeu Space Hulk Death Angel. Du Warhammer 40 000. Le jeu de cartes. Et c'est basé sur Space Hulk. Donc, on connaît Space Hulk, le jeu de figurines, le jeu de table. Space Hulk et 40 000 est sorti sur toutes les sauces. Et là, cette fois-ci, on parle du jeu de cartes. Encore une fois, ça se joue tout seul jusqu'à 6 joueurs. Et c'est 14 ans et plus. Ça se joue entre 30 minutes et 1 heure. Donc, vous savez ce que c'est Space Hulk, c'est le monde sombre et terrifiant de Warhammer 40 000. Donc, c'est des Space Marines, donc des super soldats modifiés génétiquement qui sont à la solde de l'Empereur, qui sont envoyés dans des gros vaisseaux spatials gigantesques qui s'appellent des Space Hulk, et ils doivent utiliser tous les méchants Genie Stealer qui sont dedans. Les Genie Stealer, en fait, c'est des... Les tyrannides des aliens à la Warhammer. Imaginez le film Alien, c'est tous des monstres comme ça, donc des monstres qui sont bons au corps à corps, qui déchiquettent les humains facilement, mais qui n'ont pas d'armes de tir, ce qui n'est pas le cas justement des soldats. Alors nous, on joue les soldats, les Space Marines, les Marines de l'espace, et il faut se promener à travers les pièces du Space Hulk pour pouvoir parvenir à la pièce finale, qui est l'objectif en fait du jeu, de parvenir à cette pièce-là. Et souvent, sur la carte, ça va être marqué qu'est-ce qu'il faut faire. Souvent, ça va être tout simplement d'éliminer tous les méchants aliens qui veulent juste nous manger. Les Space Marines sont extrêmement lents. Ici, ils pointent dans une direction en particulier. Donc, si les aliens viennent par derrière, souvent, ça va être bye-bye le Space Marine. Donc, un jeu de stratégie, beaucoup de tactique, très important de calibrer, de savoir, de bien calculer où est-ce qu'on s'en va. C'est aussi important d'utiliser les bons pouvoirs de ces soldats parce que selon l'équipe de soldats qu'on utilise, ils ont des pouvoirs différents. Sont très différents. 3 actions qu'on peut faire par tour, soutien, attaque et déplacement. Alors, c'est ça. Donc, contre les ennemis rapides et voraces et furieux des Genie Stealer, il faut vraiment se lever de bonne heure avec les Space Marines pour pouvoir gagner la partie. Et on parle de combien pour le jeu? Ça doit être, je me souviens plus exactement, je pense que ça doit payer 30$. Ouais. Donc, un peu plus cher que Nerim. Alors voilà, sinon on a encore des nouvelles? Oui, ben en fait, un petit brin d'actualité supplémentaire. Lors d'une émission précédente, vous vous rappelez que je vous avais parlé de mon merveilleux téléphone avec le système Android, à quel point c'était beau, c'était fin et que tout le monde devrait avoir ça. Mais en fait, dernièrement, Google a découvert une faille de sécurité majeure dans les versions d'Android en dessous de 2.3.4. En fait, c'est une faille de sécurité au niveau des données envoyées par Gmail, Picasa et les autres services Google qui nécessitent une authentification. Qu'est-ce qui est quand même très important dans le cas d'une entreprise qui utiliserait un système comme ça, c'est quand même des informations qui peuvent être ramassées par les sniffers, dans le fond des hackers, des choses comme ça, sans trop de problèmes parce qu'aucune donnée est encryptée. Pour corriger cette mise à jour-là, il faut faire une mise à jour à la version 2.3.4. Malheureusement, gros défaut d'Android, qu'est-ce qui a été reproché et que j'avais fait part, c'est que c'est pas tous les téléphones Android qui sont compatibles à la version 2.3.4. Donc, une des nouvelles qui a été fait au niveau là, d'une compagnie qui est Samsung. Tous les propriétaires de téléphones Samsung qui ont les séries Galaxy, que ce soit Galaxy Vibrant, que ce soit Galaxy... un peu pas les autres, mais bref, il y en a plusieurs. Samsung va faire le nivellement de la version 2.3.4 sur la totalité de ses téléphones. La seule chose, par contre, il va falloir être patient parce qu'ils vont commencer par un déploiement progressif en Europe en Asie et en Afrique. Par la suite, ils vont sortir en Amérique. Par contre, au niveau du Canada, malheureusement, ça va être à la discrétion des fournisseurs parce que Samsung ne fait pas le développement pour Bell ou Roger. Il va falloir que ce soit ces compagnies-là qui fassent le développement et le déploient. Donc, si vous n'avez pas de nouvelles au niveau de Bell ou Roger, peut-être leur envoyer un petit courriel, question de tourner un peu le bras pour être certain là, que ça soit fait. Sinon, par la suite, il y a eu la convention de Google au niveau de l'évolution des systèmes Android. Google a annoncé une grosse avancée au niveau d'Android. Avec la version 2.4, ils veulent emmener une standardisation de la plateforme pour tous les téléphones. Donc, est-ce qu'on parle que tous les téléphones Android, que ce soit LG ou quoi que ce soit, vont niveler à 2.4? On ne le sait pas, mais c'est qu'est-ce que Google vise. Et aussi, en même temps, on parle de la compatibilité de la version 3.0 de Nekomb avec les téléphones, donc un partage de données simplifiées et plus rapides et efficaces. Donc, un grand pas. Est-ce que ça va faire en sorte que Google va se démarquer encore plus de la compagnie de la pomme iPod, Apple, je veux dire? Je pourrais pas dire, mais c'est clairement qu'est-ce que Google veut faire, veut emmener une uniformité dans sa plateforme. Donc voilà, est-ce que ce serait tout pour l'émission Puissance Maximale? Et ça va être tout justement avant la pause de l'été, car Puissance Maximale, par contre, n'arrêtera pas totalement. Il va toujours avoir le site web, peut-être des chroniques, des nouvelles, c'est assuré sur le site web tout au courant de l'été. Michael et Andrew vont se forcer là-dessus. Moi, je le ferai pas parce que sinon, vos yeux vont saigner devant vos ordinateurs. Mon français est tellement atroce côté écrit que même eux voudront pas me corriger. Ils vont déclarer forfait même d'avance. Mais c'est ça qu'on assure aux auditeurs de Puissance Maximale que l'équipe est toujours là. Pendant justement là, cette petite pause estivale, nous, on va être justement en discussion pour voir si on va pouvoir. On va peut-être essayer de revenir là, pendant l'été, là, durant la pause à Sequoia directement sur le web. On vous tient au courant, www.puissancemaximale.com, pour suivre un peu l'actualité de votre émission préférée, votre émission d'intérêt ludique. Sinon, ben, on va se laisser là-dessus, peut-être représenter les gens qui ont participé. Donc, on salue Vincent Langlois qui était pas là, mais qui était quand même avec nous par téléphone. Sinon, avec Guillaume Forand. Merci, François. Michael Michaud. Merci à vous, tout le monde. Ando Castegan. Toujours un plaisir. Et au micro, François Gécouillard. C'était pour moi un plaisir. Puis, donc, c'est ça, restez à l'écoute, restez à l'antenne de puissancemaximale.com. Sinon, ben, j'avais le goût de vous laisser sur une toune qui avait été faite. Je sais pas exactement la date. Mais c'est un gars qui s'appelle Steve Simard qui avait composé une chanson sur Puissance Maximale. Oui, elle est très bonne, la chanson. On va écouter ça pour finir en beauté. Et voilà. Alors, voilà. À la prochaine. Bonne semaine et jouez. Chevalier de la lumière, prends ton épée solaire et va combattre le dragon sur la table du salon. Homme d'affaires Monopoly au château de la fortune, c'est le combat pour ta survie, pour ton honneur sur les dunes. Puissance maximale, puissance maximale, puissance maximale, puissance maximale, puissance maximale, puissance maximale, puissance maximale, puissance maximale, capitaine interstellaire. Viking du Nord, pirate du Sud, choisis ton jeu, choisis ton camp, sois prêt à te battre sur le champ. Deviens axe ou allié, fais un blocus à ton ennemi, que le meilleur réussit. Les dés sont lancés. Puissance maximale, puissance maximale, puissance maximale, puissance maximale, puissance maximale, puissance maximale, puissance maximale, puissance maximale. Il faut savoir prendre le risque, apprendre de ses échecs, respecter les dames. Go!